Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur NextGen Auto. Alors on est ensemble pour débriefer le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a eu lieu hier à Bakou, qui a été remporté par Max Verstappen devant George Russell et Carlos Sainz, donc un podium inédit pour cette année en tout cas. On est trois ce soir pour le débriefer, on est l'équipe complète, il y a Franck avec moi, ça va Franck? Bonsoir tout le monde. Bah écoutez, oui, un Grand Prix d'Azerbaïdjan qui n'a pas été foufou, hein, clairement. On s'attendait peut-être un peu plus de chaos, un peu plus de mouvement, hein, malgré une grille de départ qui était prometteuse, hein, sur le papier. Finalement, bon, voilà, ça a été un peu le train du DRS. Ça a été un peu de voilà de manque de d'action dans le peloton qui ont fait que bah voilà on a effectivement comme tu as dit un podium inédit. Carlos Sainz qui partait deuxième réussit à garder quand même sa troisième place. Ça veut quand même tout dire sur le fait qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup de mouvements. Voilà donc bon on a quand même Oscar Piastri qui nous a un petit peu animé le début de course, hein. Ça on va pas se mentir, c'était quand même un petit peu spécial. Mais voilà on va débriefer tout ça ensemble et puis en espérant que vous ayez pas un œil sur le match de foot, hein, je vous vois. Hein, donc, la F1 d'abord. Bah, effectivement, pour ceux qui n'ont pas tenu les comptes, la qualif a été plus longue que la course. Hein. Ça, c'est quand même le fait du C'est clair. week-end. Merci à Ifedal qui poste son premier message dans le chat. Bonsoir. Et merci à Contexani qui s'est abonné. 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Je lui dis bonsoir à tous. Déçu que Norris ne soit pas mis dans un mur en soutien de Piastri. Il a quand même pas fait un super week-end, histoire de respecter les papayas rules, a priori. Hein. Il a fallu trouver un équilibre. Et pour parler de ça, il y a aussi Alex qui va pouvoir débattre de ces papayas rules. Ça va, Alex? Oui, ça va. Ben, on salue tous ceux qui nous écoutent en direct ou en podcast, parce qu'ils sont devant le football. Je me suis habillé en orange et c'est plus par compassion pour McLaren qui a vécu son pire week-end depuis 2 ans. Toi, plus de béton rouge, hein. Ouais, mais Ferrari, il y a eu Alors, pire il n'y a pas longtemps. moi, les deux voitures sont entrées dans les points. Ouais, Pour bon, moi, McLaren. voilà la gueule des points aussi. Hein. C'est vrai que malgré tout, ils marquent moins de points que McLaren. Mais non, ils en marquent Ils autant. ont battu Adjar, ce qui n'était pas évident à Allez, Oh, ça commence fort, ça commence fort. Alors, on fera pas un aparté sur le week-end de F2, contexte d'Annie. Effectivement, il y a eu un niveau pas terrible avec pas mal de choses en piste. Mais bon, on va rester fixé sur la Formule 1. Il y a déjà pas mal à dire, notamment sur la qualif, hein, qui a été pour le coup. Alors, on n'était pas dans une qualif de F2, mais c'était un petit peu compliqué quand même. Hein. Il y a eu quelques erreurs. Un record de drapeau rouge, déjà 6 drapeaux rouges en une séance de qualification qui a duré quasiment 2 heures, soit plus que toutes les courses disputées cette année pour l'instant. Je pense que la course de Singapour sera un peu plus longue, mais voilà, c'était quasiment Monaco 2 heures était de plus qualif. court? Comment? Monaco était plus court que la qualif? Je crois, ouais, c'est privé, c'était plus D'accord. court. Non, non, vraiment, toutes les courses ont été plus courtes. Donc voilà, effectivement, comme le dit Milton Nomax, Norris s'est mis dans le mur en premier. En EL2, donc c'est Piastri qui a bien travaillé pour respecter les règles, un petit peu trop, un petit peu de zèle du côté d'Oscar Piastri. Mais alors, je vous dis tout de suite, on va pas commencer par parler de McLaren et on n'en parlera pas tout de suite, évidemment, puisque ils sont un peu plus loin cette semaine, mais tant mieux, il faut bien des fois que ça change aussi d'ordre. On va commencer par parler de Red Bull, avec la victoire de Max Verstappen, la deuxième de suite, la quatrième de la saison, la 67e de sa carrière, son sixième grand chelem, ce qu'il met à égalité avec Lewis Hamilton, juste derrière. Jim Clark, qui a toujours le record. Donc, Grand Chelem, on rappelle que c'est pole, victoire, meilleur tour en course, tous les tours menés. Donc une sacrée statistique quand même. Yuki Tsunoda termine 6e, ce qui fait que c'est le meilleur résultat d'ensemble de Red Bull cette saison avec 33 points. Et finalement, un retour vers la quatrième place, vers la deuxième place du championnat qui est un peu inattendu. Et puis surtout, un retour de Max Verstappen à 44 points de Lando Norris et à 69 points d'Oscar Piastri. Toi, Franck, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end de Verstappen? Et est-ce que tu, évidemment, la question, est-ce que tu le vois revenir dans la course au titre? Pour moi, je dis que c'est conforme aux prévisions, puisque j'avais dit qu'il allait gagner. Ah, voilà, tout de suite, on ressort le pronostic. Allez, direct, là. Je fais déjà rien. Quelle gourmandise. En tout cas, j'ai l'impression que la méthode Mekies, ça porte vraiment ses fruits. Clairement, on a tourné la page Horner chez Red Bull. D'ailleurs, on l'a encore. J'en profite pour le glisser maintenant parce que Horner, ça y est, a officiellement quitté le giron Red Bull aujourd'hui avec le communiqué qu'on attendait enfin avec des déclarations de Christian. Bon, ça va de pair avec un gros chèque qui est estimé aux alentours de 100 millions d'euros quand même. Ça coûte cher la page à tourner, ouais. C'est ça. Donc, avec a priori, voilà. j'oublie comme ça, c'est fait. Possibilité pour lui de revenir en F1 apparemment un peu avant la pause estivale de l'année prochaine. Donc s'il a envie, il pourrait le faire. Voilà, donc ça c'est fait, c'est glissé. Date à laquelle le team principal d'Alpine se fera virer. Pas impossible. Et donc voilà, donc c'est Laurent Méquies qui a vraiment une nouvelle approche, une nouvelle approche beaucoup plus technique, hein, et qui a été saluée d'ailleurs et par Max Verstappen et aussi par Helmut Marko sur le fait que ben voilà, il y a vraiment une grosse écoute qui est donnée aux pilotes pour faire progresser la voiture. On se fie beaucoup moins aux ingénieurs, à la conception et tout ça. On travaille beaucoup plus avec le simulateur, avec le ressenti des pilotes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important, qui a été dit par Marko, par Méquies aussi. Et ça a l'air de porter ses fruits, hein, quand même, depuis quelques semaines, puisque Yuki Tsunoda progresse aussi. On en parlera juste après. Mais Verstappen, enfin une RB21 qui est moins compliqué à dompter, plus équilibré, et surtout un travail dès les essais libres du vendredi qui semble porter ses fruits. Et voilà, on ne cherche pas à tester diverses solutions que vous voulez forcément imposer les programmes des ingénieurs. On va vraiment vers les attentes des pilotes. Et peut-être que cette nouvelle méthode fait que voilà, c'est tout bête, hein, faut écouter les pilotes. Je pensais que Max Verstappen était quand même écouté, mais a priori, quand on entend ce qui était la méthode avant Méquies, c'était pas forcément le cas. En tout cas, peut-être pas dans le travail de réglage, dans le travail de préparation. Clairement. Voilà. Et si en plus les nouvelles pièces qui sont arrivées corrigent un peu plus les défauts, notamment le plancher qui est arrivé à Spa, et diverses évolutions d'aileron et avant, arrière pour les circuits. On ne peut que se réjouir pour Max, pour Red Bull et pour Laurent Méquies de voir que c'est une méthode qui fonctionne. Maintenant, pour revenir à ta question, est-ce qu'il a de quoi jouer le titre? Alors j'ai envie de dire, sur le papier, a priori non, avec l'écart qu'il y a, mais à force de cumuler des boulettes à gauche et à droite chez McLaren, peut-être. Il faudrait peut-être encore un abandon du côté de Piastri, que la tendance Verstappen se poursuive pour qu'on puisse en parler. Et là, pour l'instant, 69 points sur, je crois qu'il reste 200, je sais plus combien. Il y a 224 avant, moins 25, 199. Donc ça reste encore un bon pactole, mais c'est quand même peu par rapport aux 69 points de Piastri. Si Piastri se loupe encore une fois, oui. Si Verstappen, voilà, mais bon. Rien n'est exclu, c'est pas impossible, c'est improbable. J'ai envie de dire, voilà, c'est improbable, mais c'est pas impossible. Maintenant, s'il continue à se prendre les points chez McLaren, il va peut-être falloir au bout d'un moment dire que c'est l'un des deux pilotes qui devrait être sacrifié pour l'autre, quoi. Et ça, c'est pas dans les Papaya Rules. Hein. les Papaya Rules vont clairement devoir changer. Avant de te donner la parole, Alex, j'ai quand même pour compléter ce que tu as dit, Franck. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que Méquies change de stratégie. Et quand tu dis qu'il donne la parole au pilote, il la donne aussi. Je trouve qu'on sent que Verstappen est plus soutenu. Parce que ça fait deux fois que Verstappen a une décision à prendre qui lui revient complètement. La première, c'était à Monza de mettre un aileron vraiment débraqué complètement pour privilégier la vitesse de pointe, ce qui l'a permis de gagner, de rester devant et de gagner. Et ici, c'était de partir en dur, alors que les ingénieurs voulaient partir en médium pour qu'il y ait moins de risques d'avoir une stratégie défavorable. Et Verstappen a poussé pour que ce soit un départ en dur, en disant que c'était vraiment ce qu'il y avait à faire, que la voiture serait bien comme ça et que ça leur donnerait des opportunités potentiellement le long de la course, parce que du coup elle serait plus compliquée à gérer sur la piste, mais pas si compliquée que ça, et qu'ils auraient plus de chances qu'il y ait une neutralisation ou un drapeau rouge qui offre un arrêt gratuit ou moins coûteux. Et les deux sont partis en dur, et en fait c'était une bonne idée pour les deux, donc bravo à lui et bravo à Méquies de l'écouter. Et bizarrement, je trouve que depuis deux courses, alors certes la voiture va mieux avec l'évolution amenée à Monza, mais on n'entend plus Max Verstappen râler à la radio, et je pense que si on lui laisse un peu plus de latitude et qu'il est responsable à la fois des victoires, enfin voir qu'au moment où il y aura des défaites, peut-être qu'effectivement il va retrouver un peu de sérénité. Donc là-dessus, c'est vrai que je pense que la méthode Méquies est très bonne, et effectivement celle aussi de changer la manière d'aborder le vendredi, qui visiblement est plus efficace que ce qui a été fait jusque-là depuis le début de saison. Je te laisse, Alex, donner ton avis sur tout ça. Non, mais j'ai rien à rajouter. On a parlé avec raison de Méquies et de la voiture. Je pense qu'il faut quand même tirer notre chapeau, encore une fois, à Verstappen, qui a un week-end tout simplement parfait comme à Monza. Et la meilleure manière d'approuver, pour moi, c'était le qualif, hein, sur une piste qui était évidemment piégeuse, séchante, etc. Et il n'y a qu'un seul pilote pour encore une fois mettre une demi-seconde au peloton, et c'est toujours le même, c'est le meilleur du plateau, hein. Je suis d'accord, je pense qu'on peut le dire, c'est Verstappen. Voilà, donc là, et derrière, hein, effectivement, le pari est dur et la gestion de course formidable. Donc voilà, c'est le meilleur pilote du plateau, et j'ai l'impression que, évidemment, avec le contraste avec les deux pilotes McLaren, qui sont les mieux placés pour le titre, mais qui n'ont clairement pas fait un week-end, était assez frappant. Ce week-end, lui, Max Verstappen, c'est pas grand-chose sur la table. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu une très grande table cette année. Là, il s'agrandit. Alors, à la question, est-ce qu'il peut viser le titre? Pour moi, j'ai envie de dire réponse à Singapour. Réponse à Singapour, pourquoi? Parce que c'est un circuit, on le sait, qui, normalement, sur le papier, il ne convient pas du tout à Red Bull, avec beaucoup d'appui aéro. Ils n'auraient même jamais gagné apparemment. N'ont jamais gagné avec la team Verstappen. De Russell, pas avec Red Bull. Je rappelle que Verstappen n'arrive pas à y gagner alors que Sergio Pérez arrive à y gagner. Eh ouais. Et comme à Bakou et Monaco, toutes les courses. Alors là, on peut dire ça. On peut plus dire ça du coup à Bakou. Mais voilà, selon le père de Pérez, Pérez aurait gagné cette course et Verstappen aurait assuré de doubler Red Bull derrière. Et donc voilà, la réponse à Singapour, pourquoi? Parce que si la voiture Red Bull qui normalement ne doit pas marcher à Singapour marche avec l'évolution du plancher à Singapour, alors ça voudra dire tout simplement qu'ils ont la meilleure voiture sur le plateau. Et à partir de là, bah, ça rend moins improbable, si je peux reprendre la terminologie de Franck, le titre de Verstappen. Mais ça voudrait dire aussi zéro accident, zéro problème de fiabilité. Donc il y a un petit trou de souris, mais en fait on ne pensait pas que ce trou existerait. Donc c'est déjà un petit exploit. Il faut pas oublier les deux sprints aussi. Bon, des 7 Grands Prix. Moi, j'ai si Verstappen bat de nouveau la concurrence avec 10, 15, 20 secondes, comme un Monza, voilà. Là, on peut se dire, et pourquoi pas, et pourquoi pas, et effectivement, les Papaya Rules, ben, ça va devenir les Piastri Rules, je pense, parce que ça, il va falloir se creuser la tête, même si McLaren a déjà dit qu'entre abandonner notre règle d'équité et abandonner un titre pilote, ben, on abandonne le titre pilote. Hein. Mais bon, est-ce que ça va tenir dans la pression, ça, on ne sait pas. Ça, on y reviendra, mais bon, moi, ce serait vraiment le truc le plus con qu'il puisse faire. Mais bon, on y reviendra sur la page McLaren. En attendant, c'est vrai que Red Bull, en tout cas, la voiture fonctionne mieux. Ça, c'est une évidence. Ça va mieux pour Verstappen, ça va mieux pour Tsunoda. Et puis, ouais, globalement, l'équipe affiche quand même une solidité globale, je trouve, qu'on n'y avait pas vu depuis début 2024, je dirais. Où vraiment, Verstappen, bah, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu trop de batailles en piste. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu faire des trucs vraiment dégueulasses sur la piste. Et effectivement, il est bah, le problème de Verstappen, le problème pour nous, spectateurs, parce que des fois on voudrait qu'il se montre un peu plus humain, mais l'avantage de Verstappen, pour moi, son plus gros point fort, qu'on a encore vu en qualif samedi, c'est qu'il ne fait jamais d'erreur. Là où même les autres grands pilotes, à la Hamilton, à la Vettel avant lui, ou même à Schumacher, avaient des week-ends où des fois on avait des vraies failles de ces pilotes-là. Il y avait un week-end où ils débranchaient le cerveau et ils n'étaient pas là, ou la course. Ou les qualifs où il y avait un truc, ouais, et ben Verstappen, c'est pas, ça arrive pas. Alors il a fait un tout droit vendredi, et c'est tout. C'est tout, à part ça, à part ça, il est sans faille. Et là-dessus, je crois que c'est ce qui m'a Alors, poussé à j'ai quand même fait une erreur à Silverstone je crois qu'il Oui. a perdu un peu de place, mais voilà, c'est la seule erreur. En tout cas, il commet presque Ouais. génie. Et à Silverstone, pour le coup, la voiture était, je pense, plus compliquée à gérer, parce que c'était vraiment un circuit qui lui convenait pas. Mais je trouve que voilà, après, en fait, à partir du moment où il est vraiment en phase pour jouer un gros résultat, je trouve qu'il est vraiment, vraiment impressionnant. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment, vraiment impressionnant de les voir revenir là. Et comme toi et comme Franck, je suis assez d'accord, on verra ce qui se donne à Singapour. Si à Singapour, il bat nettement les McLaren, je pense que ça a commencé à être un peu craignos pour eux. Néanmoins, pour moi, la McLaren n'est pas devenue une mauvaise voiture du jour au lendemain. Là, c'est deux circuits sur lesquels ils avaient prévu que ce soit pas le mieux. Ce sera pareil à Las Vegas parce que là, ce sera les mêmes réglages. Donc, ils ont prévu déjà qu'à Vegas, ce serait compliqué. Là où Red Bull a prévu qu'à Vegas, ce serait normalement très bon pour eux. Et le reste des circuits, je pense quand même que McLaren aura un petit avantage. Donc, pour moi, il n'y a pas de danger pour McLaren, mais c'est Verstappen et c'est Red Bull. Donc, il ne faudra pas, surtout pas, les sous-estimer. Voilà, et puis bon, effectivement, il y avait, sur le côté actualité hors piste, il y avait le départ officialisé de Christian Horner, mais ça, du coup, on a déjà dit. Donc voilà, une page qui se tourne réellement, et finalement, je trouve que c'est assez parlant qu'elle se tourne entre deux, enfin, juste après deux victoires acquises par Laurent Méquies, qui a dit hier qu'il ne monterait pas sur le podium, parce qu'on lui a demandé du coup, mais vous avez déjà fait vos deux premières victoires en tant que team principal en Formule 1, et on vous a toujours pas vu sur le podium. Il a dit je ne monterai pas, il y a 1500 personnes qui œuvrent à faire gagner l'équipe, et c'est certainement pas à moi d'y aller. Donc bravo à lui aussi. Voilà pour Red Bull, on va parler de... Il est un peu timide, je crois. Peut-être. Ouais, non, c'est, en fait, c'est tellement le contraire d'Horner que c'est vraiment... Il est très humble, en tout cas. Ouais, ouais. Il y a vraiment, timide, il y a vraiment je sais pas, mais humble, c'est sûr. Une humilité chez lui qu'on avait déjà vu avant, parce que bah, oui. Même quand il est devenu team principal de Ferrari. Enfin, quand il était d'abord chez Ferrari, puis après team principal de Racing Bulls, il y avait vraiment ce côté très discret et très... très humble, et je crois que ça va continuer comme ça. Bah, très bien. Ils parlent tous d'une ambiance différente de toute façon chez Red Bull. Mmh. Donc, clairement. C'est que voilà, c'est qu'il y avait clairement un management, pas, peut-être pas envie de dire toxique, mais un management qui était plus adapté. C'est vrai qu'on en parlait dans le chat, c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de patrons ingénieurs avec un bagage technique qui arrive en F1 et ça devient très très important aujourd'hui pour pouvoir guider voilà toute cette manne technique vers de bons résultats, et si vous comprenez le langage des ingénieurs, c'est peut-être aussi plus facile de les diriger. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est aussi que depuis qu'il est arrivé, Helmut Marko a moins une grande gueule, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on entend moins Helmut Marko faire des déclarations tapageuses. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence. Oui, mais... oui, bon, c'est vrai que bah, quand ça va mieux, en tout cas, ça. Ça va, et puis je pense qu'il est surtout rassuré par le fait que voilà, Horner ne lui causera plus de soucis derrière, et que Verstappen a décidé de rester en 2026. Enfin, par contre ça, ouais, ils l'ont dit, c'est un terrain marchand en 2026, hein, parce que oui. Verstappen, le clan Verstappen, ça parle un peu à tout le monde, hein, ils l'ont bien dit. Donc ouais. Pour l'instant, Verstappen il est là pour un an de plus, mais pas forcément davantage. Ah bah oui, ça c'est sûr. De toute façon, si le projet Red Bull Ford en termes de moteur est pas bon... Ah oui, c'est clair que si l'année prochaine c'est en deuxième partie de peloton, je vois pas Verstappen rester en 2027. Hein. Non. Clairement. Clairement. On va donc passer à Mercedes. Il a sa licence sur le Nürburgring, voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas sûr. Après, peut-être qu'il voudra un deuxième édition F1, mais ça c'est pas certain non plus. Maintenant, le leader d'équipe, c'est Tsunoda, puisqu'il a... Excellent week-end. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé du pauvre Tsunoda, mais bon, ça a été globalement pas mauvais. Alors, je vais revenir sur Red Bull, comme ça on finit de manière exhaustive. Red Bull, de côté de Tsunoda, ça n'a pas été mauvais globalement, même si les écarts sont quand même encore assez énormes. Hein. Je trouve que, alors, on dit que c'est bien, mais il prend quand même, bon, la qualif c'est particulier, mais en course, il prend quand même en moyenne 6-7 dixièmes par tour. Donc, je trouve que c'était pas... Autant que ça ? Mais Kies avait l'air de dire que c'était plutôt entre 3-4 et qu'il a j'ai vu un graphique, le meilleur tour de Tsunoda correspond quasiment au moins bon de Verstappen. Donc c'est bon, après voilà, hein, c'est mais ouais, après la qualif, la Q3, c'est difficile de juger Milton le max, mais en tout cas il a résisté à Norris quand même. Donc ça c'est quand même un bon point pour bon, même si Red Bull n'a rien à jouer contre McLaren, mais c'est quand même des points importants pour la deuxième place du championnat constructeur, parce que là, on parlera aussi, mais c'est fortement resserré entre les trois équipes. Et donc le fait que bah, là, Tsunoda s'il peut prendre un ou deux points de plus que, voilà, en résistant en plus à une McLaren, chapeau quoi. Donc, et en plus, résister sans même devoir jouer de trop de coudes quoi. Non, il a dû une fois être un peu... Oui, face au Mercedes, mais... ouais. Face au Mercedes, ouais. Russell, il a eu un peu plus de mal, mais c'est tout. La McLaren, non, on a senti... Norris, il n'est pas vraiment allé, quoi. Non, puis je crois que la Red Bull était rapide avec son réglage aussi. Aussi, ouais. Voilà. Et il a dit qu'il n'avait pas attaqué Lawson parce que c'était aussi une voiture de la famille Red Bull et qu'il ne voulait pas prendre de risque. Il a dit, en fait, Lawson allait très vite aussi, parce que c'est pareil, chez Racing Bull, c'était place à la vitesse de pointe. Et il a dit, ça aurait été pas confortable et j'aurais dû prendre des risques pour le dépasser, donc j'ai pas voulu tenter ça. Et là-dessus, je pense que... dans deux cas, ils verront forcément un manque de courage ou je sais pas quoi, de panache, mais d'autres ils verront une sagesse que Red Bull, je pense, aura apprécié en tout cas. Parce que finalement, si tente un truc et qu'il sort Lawson et lui, c'est pas très malin. Donc non, mais Tsunoda, puis globalement, il avait dit qu'il avait trouvé quelque chose pour la course, qu'il se sentait plus à l'aise et tout, et on dirait que c'est en train de se débloquer de son côté. J'espère que ça va pas se débloquer trop tard, mais ça a l'air de se débloquer. Et comme tu disais, ça se resserre pour la deuxième place, puisque c'est désormais Mercedes qui est deuxième du championnat constructeur, qui a dépassé Ferrari ce week-end avec la deuxième place de George Russell, la quatrième de Kimi Antonelli, qui s'était qualifié quatrième juste devant Russell. Globalement, il a fait plus frais, et comme par hasard, ça fait du bien à la Mercedes. On a retrouvé des performances qu'on n'avait pas vues depuis le Canada, hein, je pense, après les Grands Prix estivaux qui avaient forcément des températures plus élevées. Et du coup, une W16 plus à son aise, des pilotes qui étaient très bons malgré le fait que George Russell a été malade tout le week-end. Et ben pareil, il y a une grosse moisson de points et puis un nouveau podium pour Russell. Donc, est-ce que là aussi, il y a la bataille avec Ferrari. Est-ce qu'ils vont réussir à dépasser ou pas? Mais en tout cas, un bon week-end de la part de l'équipe de Brackley. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Bah effectivement, tu l'as dit, hein, c'est les températures, à mon avis, plus fraîches qui les ont aidés. C'est une voiture qui peut rester, sinon, assez régulière. Le gros point d'interrogation pour moi, c'était le week-end d'Antonelli. On a vu, il a encore eu des problèmes de drapeau jaune, bon, finalement, en qualif. Donc là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe, c'est encore pas ça. Ensuite, et finalement, il a fait le week-end qu'il devait avoir, qu'il devait faire, hein, c'est-à-dire solide. Sans erreur, juste derrière Russell, même juste devant en qualif. Donc c'est exactement ce dont il avait besoin parce qu'il était vraiment sous pression. Il repasse devant Albon et il était temps au classement pilote. Donc c'est quand même un Grand Prix de respiration avec un Toto Wolff qu'il avait mis sous pression, hein, clairement. Avec pour la première fois après Monza, il avait critiqué publiquement. Là, il a même encouragé en qualif. Hein, voilà, Antonelli, allez, faut pas se décourager. T'as qu'un seul tour à délivrer, il faut y aller. Donc, il a fait voilà, vraiment ce qu'il fallait faire. Il était temps. Maintenant, il faut qu'il répète ça. Ça sera pas simple sur un Grand Prix qui est celui de Singapour. Il faut être extrêmement en confiance et extrêmement prêt physiquement, ce que n'a pas été hein, de reprise Antonelli tout le temps. Et sinon, pour Russell, c'est comme on a son habitude, hein, aussi discret qu'efficace. Il était très, très discret, il a été encore plus efficace que distrait même. Donc c'est vraiment voilà, tout à son honneur, d'autant plus qu'il était malade. Il avait eu un virus le jeudi, le vendredi, il a séché la journée médiale jeudi, et puis il était malade tout le reste du week-end, au point qu'il a dit que, juste après la course, en conférence de presse, que si on avait été à Singapour, donc on aurait pris beaucoup plus physique, mais il a dit j'aurais abandonné dès le vendredi. Donc ce qui prouve bien voilà, que c'est quand même c'était de très très haut niveau. Il était vraiment pas bien et il arrive quand même à faire deuxième. Alors il termine 13 secondes derrière Verstappen. Voilà, il a fait sauter Lawson et Sainz, hein, ce que personne n'est arrivé à faire, en tout cas pour Sainz. Donc c'est son 7e podium de l'année, hein. Avec une victoire, ça passe un petit peu. Enfin, la saison qu'il fait, c'est extrêmement extrêmement solide, hein. C'est le leader d'équipe de Mercedes, hein, ce qu'il fait, voilà, ce qu'il soulager un peu Toto Wolff d'avoir raté Verstappen, au moins, même si Russell toujours pas prolongé. Mais bon, quand on voit ce qu'il fait, il est vraiment en position de force, parce que franchement, voilà, il passe un peu sous les radars, mais c'est un des top 3 meilleurs pilotes. Je suis d'accord avec toi, on va demander l'avis de Franck avant de parler de transfert chez Mercedes, mais je suis assez d'accord avec toi. Franck. Oh, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, hein. Encore une fois, la Mercedes était plutôt à son aise sur ce circuit. Donc ça c'était pas étonnant. Je pense que la température plus fraîche du dimanche les a pas forcément aidés pour faire mieux encore. Enfin en tout cas peut-être plus suivre davantage la Red Bull et voilà. En fait, Verstappen devant était assez impérial donc il y avait pas, je pense pas beaucoup plus à espérer pour Russell. Voilà. Mais moi je dis chapeau comme Russell effectivement comme tu as dit Alex par rapport à son état de santé hein, parce qu'il était vraiment pas bien. Hein. Les réponses aux médias, à la télé c'était quand même assez limité, la voix qui était pas bien là non plus. Et voilà, et Antonelli, effectivement, il avait besoin d'un week-end propre, je pense, pour rassurer un peu tout le monde chez Mercedes aussi, surtout sur un circuit urbain qui est pas facile, hein. Bakou, on l'a vu, hein, c'est tellement facile d'aller se mettre dans le mur que les plus grands y sont allés, hein. Norris y est allé, Piastri y est allé, Leclerc en a fracassé une aussi, enfin voilà, tout le monde a un petit peu allé taper les murs ou aller dans les échappatoires, pardon, pas Antonelli. Il a peut-être fait une échappatoire ou deux, j'ai pas surveillé tout son week-end complètement, mais voilà, ça reste quand même très très propre pour un rookie qui a besoin de retrouver de la confiance et qui a signé malgré tout d'assez bon temps tout le week-end. Et bon, il manquait un petit poil pour aller chercher Sainz pour le podium, mais c'était comme dans les bons chronos, dans ce qu'on attendait de lui, je pense. Et à un moment, comme je vais faire la transition, à un moment, on attend toujours de savoir qui seront les deux pilotes 2026 de Mercedes. Cette prestation-là tombait assez bien. Moi, je comprends quand même pas comment Toto Wolff en arrive à cette situation où là aujourd'hui il n'arrive plus à signer George Russell et où en fait il essaye de l'imposer des conditions en ayant une voiture qui oscille entre la deuxième et la quatrième force du plateau à un des trois meilleurs pilotes du plateau. Et on parlait tout à l'heure du changement un peu de génération des teams principaux et moi je trouve que l'équipe pour l'instant va pas mal en piste, hein, ça reste bien géré tout ça, ça fonctionne globalement correctement même si l'air des voitures à effet de sol est un peu décevante. Mais je trouve que Toto Wolff a une gestion de ses pilotes, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines avec Andrea Kimi Antonelli qui avait été mis sous pression au pire moment possible alors qu'il avait laissé, il avait mis en avant bien depuis un an. Et là je trouve que la gestion du cas Russell où finalement il a refusé de le prolonger, il l'a mis en danger en lui disant pas quel pilote était allait partir si jamais Verstappen arrivait, etc. Et aujourd'hui, Russell dit ok, moi je veux bien signer parce que c'est ce que je voulais, mais je veux un contrat pluriannuel. Et il lui dit non. Et je trouve que c'est ouais, c'est du 1 plus 1 encore. Ouais. Mais un Russell, quand tu vois ce que font les autres équipes avec leurs pilotes, quand tu vois un Gasly qui signe chez Alpine 3 ans, les McLaren qui sont signés jusqu'en 2028, Verstappen normalement qui est jusqu'en 2028 aussi, etc. Tu peux pas dire à un Russell 1 plus 1 en fait, pas au mec qui t'a si tu peux avoir Verstappen, au pire tu le colles à côté de Russell, quoi. C'est ça. En fait, si t'as les ambitions de champion du monde, tu prends un champion du monde potentiel, jeune, tu lui donnes un 1 plus 1 et tu vois derrière. Et si jamais il y a une autre opportunité, bah, le jeune, tu le décales dans une autre équipe. Ils auront 3 clients l'an prochain. Il faut bien qu'ils aient réussi à pouvoir faire quelque chose. Donc. Je trouve que c'est dommage ce que fait. Alors je vois Milton Lemax qui dit je mets les pieds dans le plat, Toto est surcoté. Toto n'est pas surcoté pour moi parce que ça a été un excellent team principal de 2013 à 2021, quelque chose comme ça. Depuis, je trouve qu'il manque un peu de poigne et je trouve qu'il a du mal à gérer certains trucs là où il y a d'autres équipes dans lesquelles c'est très fluide. Je pense que chez Mercedes, on n'a pas encore pris un organigramme avec un directeur d'équipe et un team principal et je pense qu'il va falloir y songer parce que je crois que Toto Wolff se mélange complètement les pinceaux dans ce qu'il est censé faire dans l'équipe. Alors Toto Wolff, il songeait, il a été interrogé sur ça à Monza, on dit mais est-ce que vous ne devriez pas devenir en gros le Zach Brown de McLaren, hein, c'est-à-dire toute la gestion commerciale managériale et je nomme à côté un Andrea Stella qui gère tout l'opérationnel. Il a dit oui, on va y songer le jour où je penserais que je vais passer dans un bon boulot. Hein. Le problème, c'est que dans cette affaire, ce qui est jugé parti, puisqu'on se rappelle que Toto Wolff, il possède un tiers de l'écurie Mercedes, donc c'est son propre patron, donc c'est un peu lui qui décide aussi. Mais effectivement, je pense que vu la complexification de la F1, peut-être que la question se pose hein, de plus en plus. Le problème, c'est qu'ils ont perdu James Wolff, ils ont perdu D'Ambrosio, donc il y a moins de ressources humaines, même si je pense qu'il ne doit pas manquer de monde, mais en tout cas, les remplaçants les plus évidents ne sont pas encore là, jusqu'à ce que la méthode prenne sa retraite. Question. Ouais, mais c'est vrai que moi je pense qu'ils ont raté le coche à mon avis au moment où Williams commençait à courtiser James Wolff, c'était là qu'il fallait le mettre en team principal je pense, mais maintenant il va falloir trouver une solution parce que je trouve que là, et comme tu dis, il est jugé parti, c'est à dire qu'il dit je leur rendrai la place quand j'estimerai que je fais pas du bon boulot, mais qui juge le travail de Toto Wolff, le team principal? C'est Toto Wolff le directeur et Toto Wolff l'actionnaire. Bon bah j'imagine que du coup les réunions sont assez courtes déjà parce qu'ils devaient faire tout seuls, et en plus de ça il y a quand même un vrai problème, c'est que du coup qui prend du recul là-dedans, parce qu'apparemment Mercedes lui laisse totalement libre cours à faire ce qu'il veut, le troisième actionnaire maintenant on le voit quasiment pas, on le voit plus, donc voilà, et du coup il est seul maître à bord, mais en fait quand ça va pas on sait pas à quel point il remet en cause les bonnes choses quoi, et je trouve ça un peu dommage, donc ouais non c'est un peu compliqué je pense de la part de, enfin pour Toto Wolff. Néanmoins, j'espère qu'il va quand même vite signer Russell, parce que s'il arrive à perdre Russell, là pour moi ce sera la plus grosse erreur de ce qu'il a pu faire chez Mercedes. Et il a la chance pour l'instant que Russell n'ait pas non plus énormément d'alternatives solides, on va dire. Après, c'est vrai que si Verstappen venait à partir, je pense que Russell irait discuter avec Red Bull de manière sérieuse maintenant que c'est plus avec Horner à la tête. Voilà pour Mercedes. Après, je crois qu'à part ce volet transfert, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le week-end a été assez tranquille. On espère pour George Russell que ça ira mieux d'ici 2 semaines. Et oui, ça pourrait être une étiquette, c'est ça. Le problème, c'est que Russell n'a pas vraiment d'autres alternatives pour l'instant. Mais après, si Russell se met officiellement sur le marché des transferts, il y a des équipes qui, à mon avis, seraient ravies de faire de la place pour. Oui, il y a Alpine, il y a une place chez Alpine. C'est vrai. Aston aussi. Hein. Ouais, bah, Aston, pour l'instant, techniquement, il n'y a pas de place. Mais, Oui, enfin bon. Stroll aussi, les juges est parti. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un peu. Ouais, je pense que pour l'instant, c'est le seul levier que Toto Wolff a contre Russell. Mais ouais, à voir l'an prochain. Je pense quand même qu'il sera l'an prochain chez Mercedes, quoi qu'il arrive, à mon avis. Il partira pas d'ici l'an prochain. On va passer à Williams. Alors là, pour le coup, surtout avec un moteur qui pourrait être meilleur que les autres. Oui, en plus. En plus. On va passer à Williams, dont on parle plutôt que d'habitude, hein, évidemment, puisqu'on en parle en troisième position, avec le podium de Carlos Sainz, la 11e place d'Alex Albon, alors qui doit se mordre un peu les dents d'avoir fait son pire week-end depuis longtemps, là où son équipier fait un podium. Il a dit lui-même que c'était compliqué la vie depuis les qualifications, on en reparlera après. On va d'abord parler de Carlos Sainz, évidemment, de ce super podium, le premier avec Williams. Donc c'est vrai que c'est après une qualification, il s'est qualifié deuxième. Et un Sainz qui a pas mis une roue de travers, hein, pour une fois. Il y a eu beaucoup de week-ends brouillons de sa part récemment. On avait vu à Zandvoort, on avait vu à Monza des accrochages. Il y avait pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Et là, pour le coup, il a fait le bon week-end au bon moment. Et il offre le premier podium à Williams depuis le Grand Prix de Belgique 2021. Qui n'était pas vraiment un Grand Prix puisque ça avait duré deux tours sous safety car. Donc c'est le premier podium réel et complet de Williams depuis Bakou 2017 avec un certain Lance Stroll. Donc comme quoi. Comme quoi. Derrière, dès ce jour-là, c'était d'ailleurs derrière une Red Bull vainqueur et une Mercedes deuxième. Donc les choses se répètent. Mais effectivement, c'est le premier podium depuis très longtemps pour Williams. Doublé sur la ligne par Bottas. Oui, il a failli terminer deuxième. Il avait été dépassé au dernier moment. Et il a marqué 15 points, je crois, alors qu'il en avait 16 avant. C'est ça, il a 31 au total, et ouais, il a marqué quasiment autant hier que sur le début de la saison. Et ça lui permet de combler un peu l'écart, forcément, avec un Alex Albon qui avait énormément d'avance, puisqu'il a 70 points. Mais voilà, moi j'étais très content pour James Vowles. Je te laisse la parole, Franck, là-dessus, pour savoir si ce que tu as pensé de ce week-end de Williams, c'est ce que t'inspire ce podium de Sainz qu'on a retrouvé un petit peu au niveau. Ce lucky bastard de James Vowles. Ce lucky bastard, ouais. Que je dirais certains Toto Wolff, du coup. C'est ça, qui a fait un petit cadeau, avec le premier podium en tant que Tipeee, team principal pour Vowles. Donc c'était effectivement un peu émouvant pour lui. Un échelon de plus de gravier vers le. Voilà, il souhaite évidemment aller beaucoup plus loin que ça, James Vowles, qu'un simple podium sur une course comme ça. Mais ce sont des pierres qui se montent au fur et à mesure pour son ambition de podium et de victoire de manière régulière sur l'horizon 2027-2028. C'est à peu près ça qu'il s'est fixé. En attendant, donc, il y a ce podium tout à fait obtenu à la régulière en course. Alors, évidemment, les résultats des qualifications avec leur déroulé a un petit peu conditionné quand même ce résultat. Il faut quand même pas se le cacher. Le fait qu'effectivement qu'il y a eu beaucoup d'attrition sur la Q3, beaucoup de Piastri qui se met dans le mur, Leclerc qui se met dans le mur, beaucoup de drapeaux rouges, un petit peu de coups de gouttelettes de pluie aussi qui ont rendu les quelques lignes blanches un peu glissantes. Il fallait être là, certains pilotes n'ont pas pu signer leur tour à cause des drapeaux rouges. Carlos Sainz lui a pu le faire, donc il a espéré que la pluie s'en mêle pour garder sa pole position, mais ce ne fut pas le cas puisque Max Verstappen a réussi sur la fin de la séance à le dépasser. Sinon on parlait de lui-même sans pole quand même, hein. Ouais. donc c'est pas passé loin non plus. Donc évidemment, quand on a vu après le déroulé de la course, pour pas que Williams, c'est aussi pour toutes les autres équipes derrière qui ont eu beaucoup de mal à gagner des places, avec un peloton qui était hyper serré. Ben voilà, c'est une course à la régulière qui part d'une grille qui n'était pas très régulière. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça n'en reste pas moins un résultat tout à fait mérité. Il faut savoir saisir les opportunités en Formule 1. Elles sont assez rares. Tu l'as rappelé, hein, ça faisait 8 ans que Williams n'avait pas signé un podium à la régulière, si on oublie le catastrophique Grand Prix de Belgique 2021. Ils vont l'oublier, je pense. Voilà. Et donc je suis très content pour Sainz aussi, parce que Il a toujours eu un peu de malchance cette année, où il y a toujours un truc qui déconnait. Si c'était pas en qualif, c'était en course, c'était pas en course, c'était en libre, c'était pas en libre. Voilà, bref, ça n'arrêtait pas. Il y a eu aussi pas le petit problème de fiabilité aussi à un moment là sur la gestion du refroidissement moteur, notamment de Mercedes, un peu vers la milieu de la saison, ça semble résolu. Et enfin, un week-end, voilà, on va dire propre, sans problème pour Sainz, et qui du coup, bah voilà, il a clairement dit, hein, c'est presque son meilleur podium. C'est, voilà, c'est ce qui lui. Ça me prouve un petit peu ce qu'il a voulu faire en rejoignant ce projet. Mmh. C'est-à-dire être capable de porter une équipe qui a été devant, largement devant dans le passé, qui est retombée un petit peu dans l'oubli et qui aujourd'hui a la bonne direction, les bons financements, les bonnes méthodes, la bonne approche pour revenir devant. Et voilà, ils sont quand même cinquième champion constructeur. Ce qui est pas du tout espéré, hein, sur 2025, ça devait vraiment être une année de transition totale, puisque la voiture, elle est née au 1er janvier, et on passait directement aux deux sur 2026, quasiment, hein, pour schématiser. Il peut-être y avoir que 5% du budget ou 10% du budget sur les développements de la voiture de cette année. Et voilà, ils sont quand même cinquième au championnat, donc, avec un duo de pilotes qui est quand même très très fort, voilà. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur Carlos Sainz, qui, quand il arrive à faire des week-ends propres comme ça, nous étonne. Ouais. C'est pas de voiture dans le mur, pas de bêtises, voilà, qui pourraient tout gâcher. Pour le coup, ça a été un Sainz masterclass, voilà. Donc bravo à lui pour cette gestion, en tout cas des événements en qualif et de sa résistance en course. C'est dommage qu'il soit pas tout le temps à ce niveau-là, ça c'est sûr, parce que s'il était tout le temps à ce niveau-là, ce serait vraiment un très très gros candidat à des gros résultats. Et toi, Alex, du coup, que t'inspire ce retour en grâce entre guillemets de Williams, même si eux, ils espèrent non, ouais, je pense Franck a tout dit. Sainz, on s'en souvient, hein, c'est vrai qu'il était quand même pas mal dans le rythme ces dernières courses en termes de qualif, hein, souvent devant Albon, donc c'est très mérité. On sait que c'est le pilote qui a le plus changé d'écurie ces dernières années sur le plateau. Il a toujours prouvé sa très bonne capacité d'adaptation. Là, il était effectivement trop brouillon, mais cette année. Ah, il est très très grave puisque Williams ne joue pas forcément, ne joue pas les premières places. Hein, et il est venu pour le projet Williams en 2026, mais c'est finalement dès 2025 que ça se concrétise. Donc forcément, il y a de quoi avoir de l'optimisme. Et puis on a effectivement une équipe Williams qui fonctionne très bien. Et je pense que, et ça on le sait, hein, on ne manque pas assez d'éloges pour James Wolff. Et le meilleur exemple de ça, c'était aussi l'attitude d'Albon. Hein, c'est vrai que lui, il a fait un week-end ouvert. Il a fait une erreur. Voilà. Hors de rookie, je crois qu'il avait dit. Et puis sa course était plus ou moins ruinée, avec aussi, pardon, aussi une 10 secondes de pénalité. Ouais, là, pour le coup, hein, une grossière erreur sur Colapinto. Il était vraiment derrière, et vraiment, vraiment derrière. Il essayait de doubler de manière vraiment brouillonne. Donc là, vraiment, c'était de son fait. Mais quand même, il aurait pu légitimement être dégoûté et râler. Mais voilà, super attitude après la course. Il était là en train de fêter le podium avec Sainz, donc effectivement, hein, c'est que du positif pour cette équipe-là qui marche d'entrée de bon sens. Voilà, alors évidemment, il faut concrétiser 2026, ça c'est sûr, mais pour l'instant, tout le monde, tout va dans la bonne direction pour Williams qui prend encore plus d'avance, hein, pour la cinquième place au classement, puisque même Racing Bulls qui a fait une grosse course marque 4 points de moins, et puis les autres marquent rien. Donc, ça n'est pas fait encore, parce qu'on ne sait jamais qu'un double podium peut changer des choses, notamment au Brésil. C'est pas Priator qui dirait le contraire. Mais, et voilà, la cinquième place, ça commence à sentir bon. C'est ballot, parce que ça va leur faire du temps de soufflerie en moins. Ce n'est pas le projet. Ouais, mais après, c'est, je pense que ce qui est important, c'est qu'il est stanné le temps de soufflerie. Là, pour le coup, ça leur a bien, à mon avis, ça les aura bien aidés. Effectivement, pour Albon, c'est dommage. C'est a priori le vent qui avait un peu changé de direction et qui, en fait, lui fait le même chose que le tour précédent, mais ça l'a envoyé dans le mur. Et puis derrière, la course a été beaucoup plus compliquée, forcément, en partant du fond de grille, hein, que son équipier qui partait en première ligne. Donc, mais oui, comme l'a dit James Wolff, il est arrivé derrière lui directement sous le podium pour célébrer le podium de Sainz avec toute l'équipe. Et puis voilà, très heureux sur les photos de promotion. Après, je me dis que il doit sûrement aussi voir le fait que l'amélioration de Williams est pour lui un bon signe pour que ça lui arrive aussi. Mais c'est vrai qu'on aurait vu des pilotes qui auraient été un peu plus frustrés, je pense. J'aurais un petit mot là-dessus dans pas longtemps. Bah, je sais pas, on a fini avec Williams peut-être, messieurs, ou Non, moi j'ai pas plus à dire. D'accord. C'est-à-dire, eh ben, parce que justement, j'avais parlé de Racing Bulls, donc on va passer de Racing Bulls, et j'avais parlé d'Isaac Hadjar en l'occurrence, mais on parle de Racing Bulls avec la 5e place de Liam Lawson, la 10e d'Isaac Hadjar. L'équipe reprend la 6e place à Aston Martin au championnat des constructeurs. Grâce à ses points, Lawson s'est qualifié 3e. Lui, pour le coup, ça a été un peu plus compliqué de tenir la place sur le podium. Il le savait. Il a même dit que sa course n'a pas été fun, je cite, parce qu'il a eu, il a dû résister à une Red Bull, une McLaren et deux Ferrari qui étaient en groupe derrière lui. Donc forcément, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, un beau résultat, son meilleur résultat en Formule 1, une double entrée dans les points, avec un Isaac Hadjar qui était, c'est là que j'allais venir, on reviendra sur Lawson après, qui était frustré d'une erreur samedi, frustré d'une erreur dimanche, et qui, je trouve, à mon goût, même si je comprends sa frustration, a été un petit peu ronchon et n'a pas trop soutenu le bon résultat de son équipe. Et voilà, c'est rarement, je critique rarement son comportement, mais j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'il soit assez peu team player sur ce coup et qu'il soit juste très frustré. Après, je comprends, évidemment, c'est un jeune pilote et il sait que là où son équipier se qualifie 3e et termine 5e, il aurait pu se qualifier 2e s'il avait fini son tour, puisqu'il était en avance sur Lawson dans son tour de Q3. Mais voilà, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un petit peu le contraste avec l'image chez Williams. Mais un très bon résultat de Racing Bulls une nouvelle fois. Alors on va faire un petit peu l'ensemble. La voiture fonctionne très très bien. Et puis globalement, ça a été ouais, bon tout le week-end pour Lawson comme pour Hadjar. Toi Alex, qu'est-ce que tu penses de ce week-end chez eux? Ça confirme hein, toutes les performances qu'on a vues à Zandvoort avec Hadjar. Si à Monza où Hadjar avait fait aussi une très grosse course par ailleurs, même si la qualif était pas à rendez-vous. Et voilà, et c'est Bull qui s'impose comme la 6e force du plateau. Et Lawson, bah, qui n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot alors que tout le monde le voit déjà partir. En qualif, c'était très très impressionnant. Il n'a pas fait d'erreur contrairement à Hadjar. Il n'a pas craqué sous la pression, juste un dixième derrière Sainz. Il est effectivement, alors à l'inverse de Sainz, il n'a pas pu tenir derrière lui Russell Antonelli, et il était quand même dans la bataille du milieu de peloton, c'était assez chaud, il a failli se faire lâcher par Hadjar, et après il pouvait assez vite dégringoler dans le classement, donc c'était quand même moins impressionnant que Sainz, mais dans une voiture qui était peut-être aussi moins impressionnante que Williams. Donc voilà, est-ce que c'était très bien, mais est-ce que c'est pas trop tard, c'est aussi une question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est bien de voir les pilotes Red Bull, que ce soit Tsunoda ou Lawson, faire douter Marco, faire douter Mekies, je sais pas qui d'autre prend la décision. Pour Hadjar, bah, ça s'est joué au qualif. Hein. Ça s'est joué au qualif, il s'est raté en Q3. Et il, effectivement, bah, c'est un peu en Albon, mais beaucoup moins grave. Quoi. C'est-à-dire qu'il avait un enfin, résultat. Il n'a pas saisi, je pense que voilà, ça arrive aussi. Hein. Faut pas oublier, je crois qu'il a eu des problèmes de fiabilité. Bon, avant le Grand Prix, même ça, ça n'a pas tout à fait confiance. Donc ça reste quand même une troisième arrivée dans le point consécutif, hein, même si évidemment ça fait deux dixièmes places. Mais bon, ça continue à scorer pour Hadjar, ce qui est quand même assez solide, mine de rien. Donc oui, bon, bah il est déçu, mais bon. Il n'aurait pas été à sa place. Oui, c'est ça. Alors, on a une question dans le chat. Y a-t-il un rapport, ça aurait été délicat, y a-t-il un rapport entre le regain de forme de Red Bull et les performances en hausse de Racing Bulls? Franck, je pense pas qu'on puisse vraiment attribuer, vu que les deux sont quand même très différentes maintenant. Hein. Rien de... Non, franchement, je vois pas où et comment on pourrait avoir des corrélations. Surtout qu'en plus, les équipes techniques sont quand même assez... indépendante. Puis les deux voitures ont vraiment une philosophie différente en plus. Donc pour le coup, je vois pas comment il y aurait moyen pour l'un ou pour l'autre de tirer avantage. Après, ça, on n'exclut pas évidemment que dans le motorhome, bah, plus maintenant, mais dans le motorhome commun qu'ils ont en Europe, évidemment, ça doit discuter, partager des informations, évidemment. Hein. Je pense que toute information est bonne à prendre pour Red Bull notamment, et Racing Bull si elle peut en tirer profit aussi. Mais je vois pas comment. Voilà, comme ça, sans être vraiment à l'intérieur de l'équipe, je vois pas qu'est-ce qui pourrait, en tout cas. En termes de pièces ou évolution, de choses qu'on aurait vues, c'est évident. Enfin, en tout cas, je sais pas, Manu, je crois que tu voyais un peu plus que moi les évolutions de ça, mais J'ai rien vu, j'ai rien vu de qui se corrélait, qui se suivait entre les deux équipes. Voilà. Non, non. L'un qui corrigeait l'autre, j'ai pas vu de choses comme ça, ou de philosophie de pièce, ou de fond plat, enfin de plancher, ou d'aileron particulier. C'est quand même assez différent quand même, hein, en termes d'aéro. Donc voilà, pour répondre à la question. Ensuite, pour revenir sur le week-end de Racing Bulls, je voulais revenir sur la même remarque que tu as fait en introduction de cette équipe, c'est que Isaac Adjar, effectivement, il a quand même tendance à se focaliser beaucoup sur lui-même, pour pas dire uniquement sur lui-même, et effectivement ne pas savoir aussi fêter les accomplissements de son équipe. Surtout que, bon, il sait très bien que si jamais il doit avoir la promotion chez Red Bull Racing, c'est, enfin, s'il y en a un des deux qui doit l'avoir, ça sera lui et pas Lawson, donc je vois pas en quoi ça lui démangerait 10 secondes de dire bravo Liam, ouais, c'est ça. Devant les médias, quoi. Mais c'est vrai qu'il... Bon, après, c'est aussi les caractéristiques des grands champions, hein. c'est de penser aussi avant tout à eux, mais dans un monde où la Formule 1 c'est un peu plus on va dire adouci en termes de d'interaction avec les autres équipes, les autres pilotes, même les directeurs d'équipe entre eux, c'est quand même un peu moins tendu qu'avant. C'est un comportement, comme tu l'as dit, qui dénote un peu. Donc après, on sait qu'il y a une grosse compétition en interne, et Adjar ne doit pas du tout supporter que Lawson le dépasse. Après, il a fait deux boulettes, hein, à chaque fois, ce dernier virage là qui lui coûte cher. Ça a été fatal. Hein. Ça a été fatal deux fois en qualif et en course. Donc donc voilà, à lui de se remettre en question aussi, et il le fait, hein, je pense qu'il oui, le fait. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour le faire. Mais maintenant, moi, je dis aussi, j'en reviens un petit peu au cas de Tsunoda, c'est que si Tsunoda effectivement progresse aussi, il y a peut-être un méli-mélo pas si facile à mettre en place pour 2026, hein, parce que si alors que tout le monde criait encore à corps et à cri il y a quelques semaines de laisser une année de plus Adjar chez Racing Bulls pour qu'il continue à prendre le métier avant de le propulser chez Red Bull Racing, et qu'on a Tsunoda qui est en train de revenir un petit peu de plus en plus proche de Verstappen, avec des résultats qui sont de plus en plus convaincants, en tout cas une direction de réglage et de pilotage qui semble mieux lui aller, c'est peut-être pas encore si évident que ça que Adjar ait la promotion que Marco lui aurait dit qu'il aurait, parce qu'il y a eu quand même pas mal de sources, hein, Automotor Sport, ORF, Kleinzeitung, enfin pas mal de gens qui c'était le lendemain du Grand Prix d'Italie, qui dit que voilà, que Adjar avait été informé par Marco qu'a priori la promotion était pour lui. Donc est-ce que ça va être remis en cause par les résultats de Tsunoda? Est-ce que Tsunoda va le downgrader de nouveau chez Racing Bulls? J'y crois pas trop. Mais bon, ça peut être délicat à juger. Si Tsunoda confirme sur les Grands Prix de... sur les Grands Prix de septembre, mais non, c'est fini, il n'y en a plus en septembre. Maintenant, ça va être les Grands Prix d'octobre. On n'a plus l'habitude d'avoir 15 jours entre les Grands Prix, là. Ouais, c'est la pause automnale. Il y avait les 3 ou 4 de plus. C'est ça. Et après, tu vas dire, tiens, j'ai pas l'habitude de pas avoir des Grands Prix le mercredi. Oh, si ça tenait qu'à moi, il y aurait des Grands Prix tous les jours. Hein. Évidemment. Non, non, mais voilà, c'est... attention, quoi. Bah, Jarry, il est bon, il est très très bon. Il faut quand même qu'il apprenne aussi à être un peu team player, je pense, parce que son arrogance qu'on avait un petit peu soulignée au tout début de saison semble en revenir un petit peu dans ces moments de faiblesse, en tout cas. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que s'il va dans cet état d'esprit-là aux côtés de Verstappen, ça risque d'être un gros test d'humilité, parce que il ne sera clairement pas le centre du monde. Alors après, voilà, c'est normal aussi. Je pense que chez Racing Bulls, il veut s'imposer en leader. Mais justement, il faut faire la différence entre s'imposer en leader et vouloir prendre toute la place. Néanmoins, après, je pense quand même que Red Bull va le promouvoir, à mon avis. Et je pense de plus en plus, effectivement, que Tsunoda va faire machine arrière chez Racing Bulls. Parce que Tsunoda est un excellent pilote pour une équipe comme Racing Bulls. Ils ont besoin de lui. Et surtout, s'ils ne sont pas convaincus que Lawson, et même s'ils sont convaincus que Lawson pourrait remplacer Adjar le cas échéant où ça ne se passe pas bien, ils n'ont personne derrière. C'est-à-dire que là, la Formule 2... depuis le début de saison, Marco nous rabat les oreilles avec Arvid Lindblad, mais Lindblad, pour l'instant, pour moi, ça manque de performance et ça manque énormément de maturité. Pépé Marty, ça manque de performance et ça manque énormément de maturité. Et Oliver Goethe, ça manque de maturité et ça manque énormément de performance. Donc, dans les trois cas, je vois pas qui irait chez Racing Bulls l'an prochain dans les pilotes de F2. Et du coup, pour moi, le quatuor qu'ils ont actuellement avec Verstappen, Tsunoda, Lawson, Hadjar, quel que soit leur ordre, pour moi, c'est le meilleur qu'ils aient à disposition. Russell chez Racing Bulls. Oui, mais Tsunoda chez Mercedes, du coup. Voilà. C'est compliqué. Vettel revient chez Renault. Non, mais c'est vrai que. Weber avec Piastri. Norris en aurait marre. Mais du coup, ce sera Piastri, manager de Weber, qui sera pilote. Mais... Ouais, compliqué. Sobret et Dickey demandent Russell ne pourrait-il pas aller chez Red Bull, justement. C'est pas, ça prend pas. Pour moi, s'il va chez Red Bull, c'est que Verstappen l'a remplacé chez Mercedes ou qu'il a pas envie de faire. Qu'il a envie oui. d'être leader dans une autre équipe. Mais voilà. Moi, je si pense je que... vois Russell partir ailleurs, ça sera clairement chez Aston. Hein. Ouais, l'autre, il a vraiment le, voilà, le côté britannique qui va très très bien à la marque quand même. Ouais, complètement. Ou chez Ferrari dans un ou deux ans si Hamilton s'en va par exemple, mais je vois pas aller ailleurs. Ouais. Antonelli chez Ferrari, tout le monde veut voir Antonelli chez Ferrari. Ah bah évidemment, mais on se rappelle que les pilotes italiens chez Ferrari ça ne réussit pas toujours. Hein. Enfin, même plutôt, ça a plutôt tendance à échouer d'ailleurs, mais bon. C'est pas pour faire insulte à ce pauvre Giancarlo Fisichella, mais c'était cette dernière en date, c'était pas terrible. Bon, après là. La performance de la voiture n'était pas terrible non plus. Oui, c'est vrai. Oui, après, Max Verstappen, il peut aussi se naturaliser, effectivement, mais peut-être que ça lui porterait la poisse, qui sait. Non, mais effectivement, je pense que ouais, chez Red Bull et Racing Bulls, de plus en plus, on va garder en tout cas le même quatuor, à mon avis, parce que ouais, la saison de F2, je suis d'accord avec toi, Xoan, il n'y a pas de pilote. À part Fanaroli, pour moi, qui se détache, mais bon, en même temps, il est libre de ce contrat, donc peut-être qu'il peut réussir à se glisser là-bas. Mais sinon, chez Alpine, Fanaroli, a priori. Peut-être. Bah ouais, on verra, mais ça a été aussi potentiellement des 10 noms, donc je sais pas. David Valzecchi aussi, qui est toujours dans les paddocks. Oui, mais il nous régale beaucoup trop avec son accent italien pour qu'on laisse aller prendre le volant d'une voiture. Parce que là, il nous régalerait moins quand même. Ouais. Mais peut-être que le fils de Luca Badoir aura des meilleurs résultats que le père. Ah, qui sait, bah lui, il est jeune pilote McLaren en F3, donc ouais. Peut-être que dans 2 ans. Puisqu'actuellement on a Wurz et Badoer en F3, donc putain, qui sait que dans 2 ans on aura un des deux en F1. Voilà, en tout cas, bon, c'est Racing Bulls, mais en tout cas, pour en revenir aussi à l'histoire de la corrélation entre les deux voitures, elle n'a pas eu le passage à vide qu'a eu la Red Bull en fait. Alors elle est moins performante, mais je pense qu'elle est plus facile globalement, et ça c'est un peu ce qu'ils disent depuis le début de saison. Mais c'est une voiture qui a l'air beaucoup plus constante en tout cas, peut-être pas facile, mais constante sur tous les circuits. Et je pense qu'on sous-estime un peu la performance globale de l'équipe. À mon avis, ils ont une très bonne voiture quand même. On se rappelle qu'en début de saison, on avait dit qu'ils allaient sûrement regretter d'avoir raté les stratégies parce que la voiture était dans le top 5 ou pas loin. Et je trouve que ça se justifie toujours, enfin, ça se vérifie toujours un peu au fil des courses. On est sûr que Russell s'est rabiboché avec Lawrence Stroll depuis leur Bisbee en F3. Oui, bah, tu sais, Lawrence Stroll, je pense que s'il voit un très bon pilote et qu'il propose de l'argent au très bon pilote, tout le monde va tomber d'accord. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Puis bon, je pense que si Lawrence Stroll devait être fâché avec tous les gens avec qui Lance Stroll s'est foutu sur la gueule en F3, il n'aurait plus grand monde comme ami dans le paddock. Manu, tu vas avoir un avis sur Stanek et sa pénalité. Arrête de nous demander de parler de F2, tu sais très bien. Va lire mon Blue Sky et tu verras mon avis sur la pénalité de Stanek. Je trouve ça odieux. On va parler de McLaren. Alors moi, je vais peut-être pas trop parler parce que j'en parle que quand ça. Mais non, il faut assumer au bout d'un moment. Non, j'assume. Nous, on va assumer Ferrari derrière. Alors, bon. Bien sûr que j'assume. J'ai été fan de McLaren en 2016. Je peux tout vivre maintenant. Non, donc effectivement, Norris termine 7ème. Piastri abandonne. Donc le pire week-end de McLaren, clairement. 6 points seulement. Le pire week-end de Piastri aussi. Pas un très bon week-end de la part de Norris. La voiture n'était pas extrêmement performante non plus. Malgré les très bons essais, je rappelle que McLaren fait toujours des très très bons essais parce que ça roule beaucoup à vide. Et ils sont toujours très rapides en EL3, ça ne signifie pas forcément qu'ils sont les plus rapides en qualif et en course. Et là, ça s'est vérifié, ils étaient vraiment... ils ont pas, enfin, Norris rate le coche avec un tour de qualif un peu dégueu, et puis Piastri rate le coche, on ne rate pas les murs par contre. Et ça a été voilà, la course vraiment catastrophique de la part de McLaren. Toi Franck, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end du côté de Woking? Est-ce que c'est plutôt... le fait que Norris n'en profite pas ou carrément ce week-end inattendu dans le mauvais sens de Piastri? Ah, ça coûte cher en tout cas en pièces. Oui. Ça, c'est sûr. Quand même un châssis à changer quand même pour Piastri. Ouais, il y a deux fois dans le mur hein, quand même pour Piastri. C'est quand même beaucoup pour un seul week-end. quelqu'un qu'on disait d'assez solide. Voilà. Bon, après, il n'a pas craqué plus que ça non plus dans ses interviews. Hein. Il quand même, voilà, il était pas dans le mode autoflagellation à la Norris. Hein, voilà. Il a assumé ses erreurs. Voilà. Bon, ouais, ça arrive et ça ne recommencera pas. Et puis voilà, on passe l'éponge et on essaie de se relancer pour Singapour. Un tracé qui devrait quand même leur convenir un peu mieux. Mais c'est vrai que c'était quand même étonnant de voir McLaren pour la première fois de la saison vraiment, voilà, avoir un peu de mal sur un circuit. Alors voilà, comme disait André Astella, c'est pas la tasse de thé forcément de la McLaren. En tout cas, les points forts, voilà, notamment bah, le freinage, c'est pas son point fort, clairement. Enfin, d'après ce que en tout cas Astella a dit, et puis voilà, les virages angle droit non plus, c'est pas là où la McLaren excelle le plus. Mais de là à se prendre une petite valise quand même pas, parce que les conditions en Q3 étaient un peu délicates, mais de là effectivement à ne pas pouvoir progresser, surtout en course, c'est peut-être là-dessus qu'on peut juger vraiment la McLaren. Ne pas pouvoir, voilà, c'est quand même assez significatif sur le fait que, voilà, comme dit Lando, là du coup je rebondis sur ta question, est-ce que c'est une opportunité manquée pour Lando Norris? J'ai envie de dire, l'opportunité manquée pour moi, elle est clairement en qualification. Là, le fait de se louper comme ça en qualif, ça fait mal, quoi. Je veux dire, ok, peut-être pas la pole, mais partir deuxième, troisième ou quatrième, histoire d'assurer peut-être un podium derrière, sans problème. Mais là, c'était septième, c'est ça? Sur la grille, donc. Septième sur la grille, septième à l'arrivée. Bah voilà, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Alors tout le monde lui dit effectivement, voilà, Piastri, il a pas fini, et pourtant tu prends que 6 points. C'est vrai que c'est sur le papier, dit comme ça, c'est hyper frustrant. Hein. Tu te dis, ouais, c'est le week-end où il aurait pu passer de 31 points de retard à, je sais pas, une quinzaine, on va dire quelque chose comme ça, quoi. Là, il passe de 31 à 25. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc 25 points de retard. L'équivalent d'une victoire, c'est toujours bien mieux de grignoter que d'en perdre. Ça, c'est clair. On va pas se le cacher. Ce qui d'ailleurs met peut-être McLaren dans une autre position un peu plus délicate par rapport au retour de Verstappen. Parce que si Verstappen nous refait un bon coup à Singapour, attention là, par contre, ça a pu être la même chose. Donc voilà, opportunité manquée, je sais pas. Sur le papier, oui, effectivement, mais pas en course, là, en qualif. Voilà. Ouais. En course, il pouvait pas faire mieux, apparemment. Donc voilà. D'autant plus que si les pilotes étaient clairement en ça, l'équipe a encore fait un arrêt lent pour Norris, hein, qui est quand même pas chanceux sur les arrêts lents. D'ailleurs, ils ont demandé à Tsunoda de rendre la position à Norris, mais Tsunoda a dit c'est peut-être vous trompez d'équipe, les gars. Ouais, c'est ça. Et après, évidemment, c'est les watif-watif, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu finir au moins 6e, 5e et grappiller des points? Bon, effectivement, ça nous laisse à 25 points d'écart, hein, pile poil entre les deux pilotes. Il a repris 9 points en deux courses, ce qui est un tout petit peu suffisant, hein, pour rester quand même entretenir le suspense, sachant qu'il n'a quand même pas le droit à l'erreur, encore une fois. Hein. Ou alors il n'a pas le droit d'avoir un nouveau problème de fiabilité s'il veut encore croire au titre. Voilà, ça... attention, hein, parce qu'effectivement, Singapour, c'est un circuit où les erreurs sont tout à fait, enfin, sont très possibles et immédiatement sanctionnées, voilà, que ce soit en qualif ou en course. Donc, effectivement, c'était un week-end sans pour McLaren, le pire week-end depuis Las Vegas 2023 pour eux. Et donc, voilà, en tout cas, pour moi, enfin, disons que ça laisse le championnat quand même en ville. Les écarts se resserrent, donc ça, si on raisonne de manière, voilà, le suspense à la fin de saison, cette course de sprint, ça reste quand même bien plus ouvert qu'on aurait pu le penser, même après l'abandon de la porte. Donc voilà, mais ça tient toujours sur un fil. Et comme tu l'as dit, Franck, ouais. Non, j'avais une question pour vous deux, mais je laisse finir. Non, mais quand je dis comme tu l'as dit, Franck, effectivement, le problème, c'est que si Verstappen continue à gagner, Norris, il va falloir se poser la question des consignes d'équipe. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Enfin, je ne veux pas encore critiquer ce que critique Norris, mais si c'était Norris qui avait fait le week-end de Piastri, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu, hein? Bon. Là, j'anticipe sur ce que dirait Manu. Ah ouais, mais j'allais y venir après, mais j'ai pas tout dit. Je peux juste poser ma question, vas-y, juste pour vous deux. Est-ce que vous pensez que le fait que Norris ait vu Piastri dans le mur, il a été un peu paralysé par par une attaque en course, en se disant, faut absolument que je finisse, que je fasse pas de bêtises, que je prenne des points? Non, parce que moi, ça l'a peut-être freiné un petit peu. Non, mais je pense pas. Je pense qu'il n'avait pas le rythme. Je pense qu'il n'avait pas le rythme, c'est tout. On le voyait très bien parce qu'il n'arrivait pas à rester de même derrière Tsunoda. Donc, non, moi je pense pas. Moi, je pense pas, et je pense. Moi, je vais carrément prendre la défense de Norwich. J'apprends souvent, mais je vais pas la prendre complètement, mais j'apprends un peu. Il y a un truc qui est crucial et qu'on se rend pas assez compte, je pense, c'est la position à laquelle ils sortent en Q3, parce que la piste est un peu grasse. Ouais. La 3 dernières minutes 30 de la Q3, la piste est un peu grasse parce qu'il a plu et il part en premier. Verstappen part en dernier. Alors, je dis, il n'y a pas que ça qui joue, hein, parce qu'il y a d'autres pilotes au milieu qui font mieux, etc. Mais lui, on voit, parce qu'on passe une partie du tour en onboard avec lui, que la piste est très glissante. La voiture est toujours en vrac dans tous les virages, et pourtant, il passe pas spécialement plus vite ou quoi. On voit que la voiture n'a pas de motricité, et on voit que dans les 3-4 derniers qui passent, c'est beaucoup mieux. Et je pense que c'est l'erreur principale de McLaren. Ils ont eu peur qu'il repleuve. Ils ont envoyé Norris directement en piste. Alors, s'il l'avait envoyé plus tard, eh ben, je pense qu'il aurait fait mieux. Parce qu'en fait, son tour, il est... J'ai pas trouvé qu'il était paralysé, j'ai trouvé qu'il était... il en voulait énormément, mais sauf que avec une piste qui était à ce point-là capricieuse, et ben en fait son tour a été d'un brouillon pas possible, jusqu'au moment où il met carrément une roue dans le mur au virage 15, et là il perd tout le temps. Donc voilà, après... Bah, c'était un choix à faire, hein. C'est où tu pars en premier, t'évites la pluie, ou ce qui pourrait arriver après. C'est ça, et c'est exactement ce qu'elle dit, c'est qu'il a dit, en fait c'est un choix qu'on a fait, qui n'était pas une erreur, qui était juste un choix qui a été perdant. Et après, le problème, c'est que la McLaren avait un aileron plus braqué que ses rivales. Et bah, en ligne droite, ils n'arrivaient pas à passer. Donc en fait, je pense qu'il y a ça. Et effectivement, cet arrêt raté où au départ, Stella a dit que ça n'avait pas perdu de place. Après, il a rectifié en disant que ça avait quand même peut-être coûté une ou deux places. Et factuellement, si on prend un arrêt normal à peu près en 2 secondes 2 et cet arrêt-là en 4 secondes 1, c'est 1 seconde 9. Quand il ressort, il a 1 seconde 3 de la voiture devant et à 2 secondes de la voiture encore devant. Donc techniquement, il serait sorti au milieu de ces deux-là. Il aurait au moins pu s'intercaler et bloquer une des deux voitures au freinage. Donc forcément, il y a au moins une place de perdu au stand. Ça, c'est factuel. Après, j'en viens aussi à le week-end de Piastri, qui est littéralement dégueulasse. Heureusement, c'est son seul week-end pour l'instant comme ça. Après samedi, j'allais lui trouver des excuses en disant, voilà, ça peut arriver. Il avait fait un freinage un peu optimiste. Je suis étonné qu'il refasse exactement la même erreur en course. Il est là, pour le coup, c'est lui qui a été tétanisé par son départ raté. Et il arrive avec une vitesse au virage 5, mais à zéro moment ça passe. Exactement comme son crash de la veille au virage 3, à zéro moment ça passe. Et j'allais dire aussi, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ce qui me fait rire, c'est que dans le chat, et c'est un petit peu ce que j'espérais qu'il se passe, parce que je voulais démontrer le point, parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux depuis hier, les gens disent « Lando Norris a raté son week-end, Lando Norris... » a foiré son week-end, il n'a pas profité, il n'a pas fait ci. Là, je vois Wario Zero qui dit choke Norris. Après, j'ai vu que tu as dit que la fiabilité de la voiture Norris, est-ce que c'était la voiture ou la caboche du pilote ? N'empêche que lui, il a quand même fait un week-end qui a donné des points à la fin avec beaucoup moins d'erreurs. Et effectivement, je trouve qu'encore une fois, c'est drôle ou pas que sur un week-end où Piastri fait un week-end dégueulasse, et genre le pire week-end pour un pilote cette année, limite, on se retrouve à critiquer Norris et à se demander si c'est Norris le problème. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, parce que en fait, je trouve que depuis Canada, et ben littéralement pour moi, le meilleur pilote chez McLaren, ça reste Norris, parce que depuis Canada, celui qui a failli accrocher deux fois son équipier, c'est Piastri, et celui qui a fait un week-end comme ça, c'est Piastri. Alors, je ne dis pas que Piastri est foutu, il a toujours 25 points d'avance, pour moi, il est toujours ultra rapide, pour moi, la McLaren est toujours la meilleure voiture, donc ils vont dominer, et je pense qu'il sera champion, parce que la dynamique va faire qu'ils vont devoir se méfier de Verstappen, et qu'ils vont, à un moment ou à un autre, devoir le privilégier à Norris. Et s'il est privilégié, bah, c'est que c'est mérité puisqu'il est dans cette situation-là. Mais je trouve que c'est quand même un peu extrême d'en arriver à se demander à quel est le degré de foirage de Norris quand il finit 7e et le week-end où Piastri a deux accidents et un départ raté. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Donc effectivement, après, le week-end globalement de l'équipe, c'est pas bon du tout. Et je suis aussi très déçu de l'opérationnel, parce qu'il ne faut pas oublier que l'an dernier, il y a 2 ans, c'était l'équipe qui faisait les meilleurs arrêts au stand. C'est 2023, ils sont champions des arrêts, là, classement DHL, avec des arrêts à 2 secondes quasiment à toutes les courses. Et là, là on a des erreurs. Ils disent que ça vient un peu en partie du matériel, mais je n'arrive pas à comprendre. Ah oui, le matériel, il s'est pas dégradé. Voilà. Ici, il a su faire du 2 secondes, pourquoi il sait toujours pas faire du 2 secondes. Là, pareil, j'ai pas compris non plus. Bah non, moi non plus, parce que du coup, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu le matériel est devenu. C'est devenu du matériel, comment dire, pareil pour les tout, enfin, standard, mais avant ça. Donc je comprends pas pourquoi. Non, mais parce que le matériel a un problème mental, c'est pour ça. C'est ça. Ou alors ils l'ont pas remplacé. Désolé, mais Norris a eu moins 5 arrêts lents cette saison, hein, donc. Il est quoi? Norris a eu 4 ou 5 arrêts lents cette saison. Ah oui, non, mais c'est pas Piastri. On est brouillon. Hein. Ben non. Piastri Enfin, bon, enfin, je sais pas, mais je un pense que seul, moins. je Hein. crois, Piastri. Ouais, il y a peut-être un petit côté sabotage dans l'équipe. Allez, le mec, il théorie du complot. Non, en voilà, fait, le c'est pas Marc sabotage. Weber là, qui a la roue à chaque fois. C'est Marc Weber qui fait l'avant gauche et la mère de Piastri qui fait l'avant droite. Et le chien de la mère de Piastri qui fait l'arrière gauche. Mais Roger Zero nous dit Piastri fait de la merde en barre ce week-end et le truc frustrant c'est que Norris ne parvient pas pleinement à en profiter, ne reprend que 6 points, donc même dans un week-end dégueu Piastri, ça bouleverse pas tant ça le championnat. Le problème c'est qu'il n'avait pas la McLaren. Comptablement c'est vrai, mais effectivement il n'avait pas la McLaren. Il n'avait pas la McLaren qu'il avait à d'autres Grands Prix et la qualif était très compliquée à gérer, donc je pense sur un week-end normal. Et puis désolé, Norris encore une fois, il n'a rien, sans cela il peut finir 5e, hein, il ouais. repartait devant le sol. Hein. Donc, exactement. Désolé, mais... Donc, la stratégie, je suis désolé, mais moi j'ai pas non plus. Fin... Évidemment, s'il y avait eu une safety car, on aurait dit quelle stratégie de génie. Mais il a fait 40 tours en médium quasiment. Il aurait pu jouer l'undercut. Hein. Ouais. Jouer l'undercut et le relais long en partant en médium, c'était. Enfin, ah ouais, non, mais désolé, mais l'exécution de McLaren, elle est vraiment pas au niveau. Non, non, non. C'est pas la première fois qu'on le dit cette année. Et là, je trouve que sur un grand prix comme ça, et c'est ce qui m'inquiète, c'est que justement, chez Red Bull, l'exécution est parfaite. Donc, les arrêts sont toujours bons. Enfin, en tout cas, depuis un moment, en début de saison, on avait vu quelques passages à vide. Et on revoit de nouveau cette équipe qui ne fait pas d'erreur. Donc, je suis un peu, ouais, un petit peu inquiet, un petit peu inquiet. Et c'est vrai que j'aimerais bien en fait qu'on arrête de tout foutre sur Norris, alors que là, ce week-end, c'est probablement celui de McLaren qui tient le plus la route, que ce soit l'équipe ou l'autre pilote. Donc voilà. Mais et oui, Xoane, il y a eu beaucoup d'arrêts rapides chez tout le monde. Hein. Là, c'est vraiment McLaren qui rate parce qu'il n'y a pas de, il n'y avait pas de conditions spéciales qui faisaient que. Et que les arrêts étaient pas bons ou quoi. Norris se met parfaitement, parce que je me suis demandé au départ s'il avait raté un peu son emplacement. Il est parfaitement dessus, comme à Monza. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuses, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'excuses. Donc voilà, mais bon, après, il n'y a pas péril dans la demeure pour moi. Ils vont retrouver un circuit qui leur conviendra mieux à Singapour. Austin leur conviendra mieux aussi, parce que là, c'est carrément un tracé qui plaît vraiment à la MCL 39. Donc je pense quand même qu'il y aura. Je pense quand même qu'il y aura des bons week-ends pour eux. Moi, je suis pas trop inquiet. Ah, parce que leur pire week-end à leur meilleure saison depuis 20 ans. Quoi. Donc, ça va. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils aient de bons circuits, là, parce que s'il faut compenser à chaque fois 3-4 secondes d'arrêt au stand loupé. Rendez-vous à Singapour pour le titre oui. constructeur. Qui ont tout le monde le voyait à Bakou, bah non. Ouais. Non. Non, c'est sûr qu'à Bakou, ça n'est pas fait du tout. Et effectivement, ils devront attendre Singapour. Donc ça, bon, après, c'est... Bon, Singapour, il faut vraiment que les autres se loupent totalement pour qu'ils le... Voilà. Je crois que même... Ouais, je crois même que eux, s'ils font rien et que les autres font pas un truc top, ils l'ont quand même. C'est quoi, ça. C'est déjà tellement limite de l'avoir à Bakou que... Ah ouais, faudrait que eux abandonnent et qu'on ait un classement avec Russell devant Leclerc, devant ouais. Verstappen. Après, la question, c'est même si se verrouille le titre constructeur, est-ce que ça va un peu justement déverrouiller les papayas rouges? Surtout si Verstappen revient, on risque d'avoir un chassé croisé intéressant. Parce que non, parce que le titre verrouillé, petit pilote peut-être menacé. Le titre constructeur, ça, ils savent déjà que depuis bien longtemps qu'ils vont ouais. avoir. Ah oui, je sais, mais justement, le fait que ça soit officiel, ça va peut-être un peu. Mais par contre, effectivement, après, pour en revenir à ce qu'on disait en début d'émission, je pense que si Singapour n'est pas une domination nette, je suis convaincu qu'à Austin ou Mexico, ils nous annoncent que Piastri est le candidat pour le titre et qu'il va falloir que Norris se plie à lui. Tu crois? Pas moi. 20 balles? Ah, 20 balles, peut-être pas parce que j'en ai un peu marre de perdre, mais mais en fait je pense que les beaux, parce que là ils ont eu des beaux discours très genre un peu plein de panache et puis voilà genre non on les laissera se battre jusqu'au bout, on changera rien et tout ça. Je pense qu'au moment où tu te retrouves dans la situation où tu peux perdre un titre pilote qui était quasiment acquis, tu réfléchis à deux fois avant de dire non, mais là au moins on va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura une bonne ambiance. Par contre, on est des total losers, quoi. Mais par contre, au moins l'ambiance est bonne. Donc, non, je pense qu'il va falloir qu'il y en ait qui ravale sa fierté. Probablement Norris, si c'est le cas. Et voilà, mais après. Je suis pas sûr du tout. Ouais, bah moi, franchement, alors je serais là pour moi. Parce que je suis très souvent à dire c'est bien de parler de culture du blâme, de pas viser la victoire. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis souvent en train de dire que c'est bien de pas tout faire, de pas tout sacrifier sur l'autel de la victoire. Mais je pense que quand tu es en mesure d'avoir ton premier titre pilote depuis 2008 est ton premier doublé constructeur-pilote depuis 98. Si tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour l'avoir, c'est que tu n'es pas une équipe de vainqueurs. Et là, par contre, je suis très sérieux en disant ça. Ah, j'ai une question pour toi, Manu. Tu fais quoi après Singapour si tu vois Verstappen 1, Norris 2 ou au contraire, et Piastri encore abandon? Bah, je repousse la décision parce que j'ai dit Austin ou Mexico. Donc, ouais. Ah si, c'est ce que j'ai dit. Ah, je mettrai la vidéo si vous voulez. Non, j'aurai la VAR. Non, mais je repousse la décision, mais je pense que ce sera pas le cas. Et Norris. Singapour, c'est tendu. Hein. Ouais, c'est vrai. Compris, et Norris avait gagné l'an dernier de manière assez large. Donc peut-être. Mais bon, non, mais c'est pour ça. Après, c'est peut-être Victor de Piastri, abandon de Norris et de Verstappen. C'est ça. Oui, et là, voilà, on sera tous en train de dire bon, ok, championnat plié. Voilà. Ou alors, pour que ça vraiment qu'on s'amuse, nous, ce serait victoire de Norris et abandon de Piastri et Verstappen. Comme ça, on a égalité entre les victoires de McLaren et Verstappen qui est trop loin, donc ils peuvent se battre. Non, il faut que Verstappen y remonte. Non, laissez-nous tranquille. si, on veut un final à 3. Non. Non, parce que je sais très bien comment ça se passait. La dernière fois que McLaren avait un final à 3, c'était 2007. Et le Raikkonen n'était quasiment pas candidat au titre, et c'est lui qui gagne. Donc c'est non. Un final à 3 avec Piastri, Verstappen et Russell. on veut Max champion. Si Max est champion cette année, franchement, ce serait énorme. Je vous préviens, si Max est champion cette année, j'hiberne. Vous ne voyez, voyez pas entre décembre et mars. Bon, ben ça va, McLaren, deux titres consécutifs. Oui, mais je suis jamais content. Hein. Je serais très content, mais un petit titre pilote quand même. Puis merde, 98 le dernier doublé. Hein. Moi j'irai vendre des crêpes et des churros sur les plages de Montpellier. Tu pourras passer l'hiver à traiter les propos ultra injurieux de tout le monde contre McLaren, justement. Ah ouais, non, mais si Verstappen devient champion du monde pilote. Ah, mais là pour moi. C'est... On l'a dit, hein, c'est pas impossible, mais c'est improbable. Mais... Ouais. Oui, parce qu'après tout à l'heure, on parlait de situations improbables que Norris arrive à. Enfin, de situations difficiles pour Norris, donc c'est encore plus improbable pour Verstappen d'être champion. Mais effectivement, pour moi, là par contre, s'il rate le titre pilote, c'est. Un fiasco, mais total et absolu. Ah oui, là, c'est... Et vraiment, là, pour le coup, je serais le premier à pas être tendre avec eux. Placerais même ça devant le fiasco de la gestion de Senna et Prost par Ron Dennis. Oui. Parce que moi, ils l'ont gagné aussi. Ouais, exactement. exactement. Pour moi, ce serait un fiasco quasiment similaire à 2007. Avec un truc, pourtant, une approche complètement diamétralement opposée. Pourtant, il n'y a pas de photocopieuse dans le coup. Et oui, parce que maintenant tout est numérique. C'est des mails maintenant. C'est du PDF. Non, mais c'est vrai que là, c'est. Ah non, ce serait terrible. Là, je m'en remets pas, je vous le dis tout de suite. C'est nous. Je viens de m'en soir derrière. Je prends rendez-vous chez le psy, et puis voilà. Parce que là... Non, mais c'est vrai que là, ce serait terrible. En plus, surtout pour eux, parce qu'après l'an prochain, désolé, ça va. J'ai un peu... Hein? Il dira désolé, j'ai un peu de retard, j'avais envie de rester là avant. Non, mais ouais. Enfin, bon, après, j'y crois pas trop. Je pense que les deux courses là restent un peu accidentelles et que ça va aller mieux après. Mais ah non. Ouais, tout ça parce qu'on a pas envie d'aborder la prochaine équipe, c'est ça? Bah, moi, ça va. Non, moi, c'est bon, on a passé le plus dur pour moi. Par contre, effectivement, pour toi, on va parler de Ferrari. Alors, prends ça comme une thérapie. Moi, c'est ce que je viens de faire, ça fait du bien. On se soigne par l'amusement. puisque effectivement, je vais laisser Alex commencer sur ça. Alors, parce que sinon, résumé des épisodes précédents chez Ferrari. Donc, j'ai juste résumé du week-end. Hamilton termine 8e, Leclerc 9e. Donc, aux essais libres, bah, ça marchait très bien. Il pensait que la pole était jouable, meilleur vendredi de l'année. Accident pour Leclerc, qualification 12e de Hamilton. Et course, finalement, terminée 8e, 9e. Qui se termine sur une fausse note, puisque consigne non respectée d'Hamilton. Donc, voilà pour le bilan chiffré et rapide, on va dire, de l'équipe. Tu as dit que tu laissais commencer Alex, Franck ? Oui. Okay. Je vais me laisser finir, je pense. Parce... Alex, non, comment résumes-tu ce week-end ? Encore une fois, chez Ferrari, la voiture valait peut-être un peu mieux que ça, mais l'exécution a été dégueulasse. Et c'est un problème que pointe. Non, la voiture valait un point mieux que ça. Mais l'exécution, c'est quand même. C'est un des gros défauts et c'est le point que je voulais aussi voir parce qu'au moins chez Red Bull on n'a pas une voiture formidable, même si là elle est vraiment très très bonne. Le reste de l'année n'a pas été formidable mais l'exécution était top. Bah, chez Ferrari on n'a jamais eu les deux en même temps quoi. Avec effectivement Hamilton qui est gêné par Leclerc même en qualif quoi. Et donc, il passe même pas en Q3, hein, puisque donc c'est Leclerc qui a ramené les drapeaux jaunes. Et Hamilton n'a pas pu faire son second tour en Q2, donc pas 12e, alors que quand même il avait le rythme, hein, je pense, intrinsèquement, pour au moins passer en Q3. Leclerc, oui, bah, Leclerc, il a fait comme 2019. Alors, disait, est-ce qu'il va faire comme les quatre derniers Grands Prix à Bakou, c'est-à-dire des pôles? Bah non, il a fait comme en 2019, c'est-à-dire dans le mur. Bon, ça arrive. Hein. Non, fait une bonne saison, mais effectivement, dans le mur, bah, Bah, il a dit tché à Piastri. Et puis en course, bah, c'était coincé dans le peloton et c'était pas assez rapide. Mais c'était pas non plus. Ils avaient les rimes des McLaren, quoi, en gros. Hein. Avec un problème moteur aussi pour Leclerc, apparemment, qui perd du temps. Donc même la fiabilité n'était pas là. Hamilton, bah, meilleure stratégie, meilleure course peut-être. Il avait le rythme en médium en fin de course pour remonter sur tout le monde, mais pas le rythme nécessaire en passé pour dépasser. Donc, voilà, chez Ferrari, il y a la perte, bien sûr, deuxième de la place, la perte de deuxième place au classement des constructeurs, et on se dit que s'ils font des tels week-ends et si Red Bull continue sur cette pente-là, c'est pas troisième, ils vont venir, c'est quatrième. Ce qu'on pense est totalement impensable. Donc, chez Ferrari, bah, chez Ferrari, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et je trouve que l'attitude de Vasseur, je suis désolé de dire ça, mais ça me rappelle un peu Binotto, c'est-à-dire à tout positiver. Et là, c'était encore l'attitude, je positive, etc. Ça fait, voilà, ça fait trop de loupés. Bon, de toute façon, cette saison 2025, il n'y aura peut-être pas de victoire, mais il n'y a pas grand-chose à en tirer de plus. Voilà, c'est pour ce tableau optimiste. J'avais une statistique à Alors glisser. que moi, à Bakou, je les voyais gagner. Hein. Ouais, moi aussi, hein, Je les ai signés, mais je les voyais aussi gagner. on y reviendra on y reviendra tout à l'heure, mais moi aussi, je voyais gagner. Et j'avais une statistique à poser, j'appose maintenant. Depuis le retour de la pause estivale, donc les trois dernières courses, Red Bull a marqué 78 points, McLaren 64, Mercedes 54, Williams 31, Racing Bulls 27, Ferrari 26. Oui, aïe, aïe. Ouais. Et pour moi, c'est. Bah, Et zéro pointé de zone. Ouais. Ah oui, non, mais il y a eu la je... disqualification de la Chine aussi. Le Ah fait oui. est que Oui. le problème, c'est que le zéro pointé de Zandvoort, c'est deux accidents. Donc on peut même pas dire si c'était les conditions. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème pour moi, c'est Ferrari, c'est que personne ne fait un boulot nickel. Les pilotes font des erreurs. Leclerc en fait quelques-unes qu'il ne faisait plus pendant un Ah moment. ouais. L'équipe, les stratégies sont pas très bonnes. L'exécution n'est pas parfaite. Il n'y a personne qui a l'air de pousser de coup de gueule. Au stand, Et ça va. oui, c'est vrai. Et bah, je suis un peu inquiet pour eux. Parce que, en fait, j'ai pas l'impression. Moi, cette équipe me paraît beaucoup moins forte qu'elle était il y a un an. Et on l'a déjà dit cette année plusieurs fois. Et en fait, jusque-là, quand on en parlait, je disais elle est moins bonne cette année. Mais je trouvais que c'était la voiture qui était moins forte que celle de l'an dernier. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette équipe est moins bonne, globalement. C'est-à-dire la voiture est moins bonne, mais aussi l'équipe. Par rapport à ce qu'elle était il y a un an. Et c'est vrai que dans la pente où on est actuellement, je ne les vois pas gagner une course cette année parce que là, en fait, aujourd'hui, ils se battent souvent au niveau de la deuxième, troisième place, mais au final, ils ne sont pas non plus énormément devant en performance pure des Racing Bulls ou des Williams selon les circuits. Et on s'était marré du fait qu'ils n'avaient pas. Ils avaient fait moins bien que Hadjar et qu'il avait battu cette fois, qu'ils avaient fait moins bien que lui à Zandvoort. Mais c'est vrai que depuis le retour de la pause estivale, il y a eu des podiums pour des équipes bien moins bonnes que elle, quoi. Donc c'est un peu compliqué, je trouve. Désolé, j'ai un peu plus noirci le tableau et c'est sur cette parole-là que je vais passer la parole à Franck. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu inquiet pour eux aussi, Franck. Ouais, compliqué le week-end de Ferrari. Enfin, compliqué. Commence super bien quand même, c'est clair. On le rappelle, hein, les essais libres vendredi top. Même les essais libres 3, hein, Hamilton, il est très proche. Voilà, il est aussi dans le coup. On se dit, bon, ok, les réglages, ils n'ont pas tout foiré non plus entre le vendredi et le samedi. Et ça doit jouer, si peut-être pas la pole, en tout cas les premières places. Bon. Conditions un peu spécifiques en qualification, on rappelle, comme tu l'as rappelé d'ailleurs Alex, Leclerc qui se sort un peu devant Hamilton, du coup ça lui ruine un de ses tours. Je suis pas sûr que ce soit le deuxième tour, je crois que c'est le premier tour rapide qui lui Premier ruine. tour, Ouais, voilà, donc il a quand même une tentative en moins. Bon après il y a eu tellement de drapeaux rouges que voilà, tout le monde a ruiné un peu tout le monde, je crois, sur cette qualif. Mais voilà, bah, l'erreur de Leclerc, bon, bah, voilà, c'est. J'ai pas envie de dire ça arrive, mais ça arrive un peu trop souvent à Leclerc qu'aux autres. Voilà, c'est comme son troisième gros crash, hein, ça a été rappelé dans le chat, hein, sur la saison, parce qu'il y a eu Miami et le Canada. Donc là, ça fait quand même beaucoup. Et les Zandvoort aussi. Comme hein, fait... Enfin, oui, après, Zandvoort, c'était en course. Mais... Ouais, bah, Zandvoort, c'est pas trop sa faute. Hein. Mais, ah oui, non, c'est vrai, pardon, je confonds avec Hamilton, autant pour moi. Et Milton Lomax, il le rappelle, effectivement, Verstappen, à côté, il fait pas ça, quoi. Donc, Verstappen nous dit souvent que c'est Leclerc le pilote le plus rapide, mais à quel prix, des fois, ça l'est. Donc, ça, c'est des prises de risque. Et du coup. On se retrouve effectivement après derrière avec une équipe Ferrari qui part loin, trop loin pour pouvoir faire quelque chose de correct. Et voilà, une exécution en course qui est extrêmement moyenne, hein, à part effectivement, comme tu dis, les arrêts au stand qui sont toujours millimétrés là, de ce côté-là, rien à dire cette année. La stratégie, elle est correcte aussi, plutôt correcte, quoi, ils pouvaient pas faire grand chose de mieux. Mais derrière, la perf en course n'était pas là. Mais bon, c'est comme celle de. C'est ce que disait Vasseur d'ailleurs aussi dans un article que je vais sortir demain. C'est que souvent, quand McLaren va pas bien, Ferrari c'est pareil. Quand c'est le contraire chez Red Bull et Mercedes, oui. C'est un petit peu. Il y a deux. Semble y avoir un petit peu deux philosophies de voiture qui s'opposent. C'est vrai que ça marche un peu en duo comme ça. Mais voilà. Ce que je voulais que je vous dise, moi j'avais pas vu Ferrari vainqueur parce que j'en avais marre de voir tout ce qui est Ferrari vainqueur. Et pour le coup, j'ai bien fait. Est arrivé à bout. Mais ouais, non, là, ça devient vraiment compliqué là, ça devient vraiment très compliqué. C'est gâché pour voilà sur ce genre d'opportunité. Si tu arrives pas au moins à caser une bonne voiture sur une bonne position en Q3, tu cases l'autre quoi. T'envoies pas les deux au casse-pipe quoi. Une se loupe en Q2, l'autre dans le mur quoi. Je veux dire non. Au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table, tout Vasseur qu'il est et l'amitié qu'il a pour Leclerc et compagnie, mais en gros, voilà, il faut assurer un peu quoi. Et là, le but c'était vraiment d'assurer. Quand tu sais que t'as des conditions un peu grasses comme ça, tu peux pas te permettre de voilà d'y aller trop fort tout de suite quoi. J'avoue que j'ai pas compris le week-end de Ferrari. J'ai pas compris après Libre 3 en fait. J'ai très bien compris jusqu'au Libre 3. Après, j'ai plus compris. Ça, pour le coup, c'est un peu comme McLaren, du coup. C'est vrai que... Ouais, c'est un peu ça, mais bon, après, passons. Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser davantage, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je pense sur Ferrari, sinon on va y passer des heures à ruminer. Voilà, si, on va quand même passer un petit peu de temps sur la consigne loupée en fin de course, quand même. Puisqu'il y a quand même quelques théories du complot qui nous dit que Hamilton n'avait pas vraiment voulu laisser repasser Leclerc. C'est totalement faux, parce que pour. Réussir à faire du 4 dixièmes de seconde sur une ligne d'arrivée quand vous arrivez à 320-330 et qui relâche quand même nettement les gaz bien avant, il pensait que ça passait, sachant qu'il y avait une voiture comme juste derrière Leclerc, il fallait pas non plus que les deux passent. Voilà, ça a été mal exécuté là encore. Voilà, c'est encore une erreur d'exécution. Mais c'est pas du tout une volonté d'Hamilton de prendre la 8ème place parce qu'il était devant. Ça. Parce qu'il s'en fout complètement surtout. Il s'en fout complètement aussi. Et Leclerc qui était, je tiens quand même à le signaler. Leclerc, parce qu'on a refait un article aujourd'hui, et j'ai écouté les réactions aux télévisions internationales. C'était pas du tout le même ton que ce qu'il y avait à Canal+ et à RTBF aussi, parce que je tiens quand même à signaler que quand les pilotes s'expriment en français, c'est pas que Canal+, en post-course ou post-qualif, c'est RTBF et Canal+, entre autres francophones qui peuvent être là. Et donc, il était un peu plus énervé par rapport à ce qu'a fait Hamilton en fin de course. Il a trouvé ça stupide et injuste. Après, il a dit, effectivement, il a répété ce qu'il a dit à Canal+, c'est-à-dire que 8e, 9e place, il s'en fout un peu. Mais sur le principe, ça l'a un peu irrité. Donc c'est un peu c'est peut-être le premier... accro, on va dire, sportif, même si. Il faut réussir à clasher avant les pilotes McLaren. Voilà, c'est un mini accro sportif, on va dire. Donc voilà, c'est un petit avertissement, on va dire. Voilà. Mais théorie du complot, non. Vu comme Hamilton a relâché, clairement, il avait envie de laisser passer Leclerc. Je rappelle que Hamilton, pour ceux qui pensent qu'il est comme ça, en 2017, chez Mercedes, Bottas se laisse passer pour la troisième place pour qu'il aille chercher le deuxième. En Hongrie, il n'y arrive pas et il relaisse passer Bottas dans le dernier virage. Il sacrifie un podium et 3 points alors qu'il est en quête du titre. Donc Hamilton ne fera jamais ça pour une 8ème place. Là-dessus, il y a zéro doute. Une tempête dans un verre d'eau. Ouais, complètement. Oui. Et dommage que Leclerc soit un peu énervé parce que en fait, c'est vrai que c'est pour une 8ème place. Encore, il y aurait un podium à la clé ou je sais pas quoi, j'aurais pu comprendre, mais là. Voilà, bon après, tout à mon avis, on n'en parlera pas. Et puis, je pense que Vasseur recadrera les journalistes qui retourneront sur ce terrain-là dans 2 semaines. Mais oui, c'est. Bon, voilà, c'est pas. Après. Comme quoi, même pour 2 points, on inverse ses positions en fin de course. Ouais. Là, c'est apparemment, apparemment, il y a un livre dans le dans l'arrière du garage Ferrari, c'est marqué Papaya Rules dessus, et apparemment ils s'en sont inspirés. Donc, mais non, non, voilà. Après, après, effectivement, je pense que ils doivent avoir hâte que la saison se termine. J'ai vu un commentaire dans le chat qui disait, c'est Lord Phoenix qui disait, est-ce que l'équipe n'est pas déjà passée en 2026? Bah ça, sûrement, mais toutes les équipes sont passées en 2026. Oui. Et tout ce qui se fait en piste n'a rien à voir avec ce qui se fait à l'usine. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes séparées. Et ben ouais, du coup, il y a des équipes qui arrivent très bien à développer une voiture et à faire des bons résultats. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas une excuse. C'est pas grave parce qu'effectivement, l'an prochain, on repart sur des bases nouvelles. Moi, il y a des rumeurs qui disent que Ferrari serait un peu à la bourre. Alors, j'espère que c'est pas vrai. Mais en tout cas, le programme moteur de Ferrari serait inquiétant. Voilà. Bon, après, c'est la presse italienne. Hein. Donc, ça veut dire pour les ingénieurs. C'est Audi qui a fait fuiter la rumeur hein, pour dire que tous les ingénieurs venaient chez nous. Mm. Ils ont recruté deux, en tout cas deux très bons. Et que Binotto avait fait venir d'ailleurs chez Ferrari. Donc, ouais. Ouais, c'était le. On sortira à Paris, on sortira un article là-dessus la semaine, enfin pas la semaine prochaine, demain pardon, sur le fait qu'il y aurait eu un exode de personnes chez Ferrari. C'est encore une fois courroucé Vasseur. On vous mettra sa réaction demain, voilà. Mais il est à noter quand même que du côté moteur hein, chez Ferrari, effectivement, il y a deux jolies personnes qui se sont barrées chez Audi. Ça, c'est une vérité. Il ne faut pas oublier que Mattia Binotto, avant d'être un directeur technique discutable, c'était un directeur de département moteur ultra respecté et ultra performant et puissant et tout ce qu'on veut. Et la crédibilité de Binotto, il a une street cred, comme on dit, du côté des moteurs qui est très très bonne. Et ça ne m'étonne pas qu'il arrive à... ça m'étonne pas qu'il arrive à recruter les gens. Il arrive même à négocier avec la FIA pour que son moteur soit plus pénalisé. Après, c'est pour te dire. Ça, c'est vrai que c'était fort. En fait, il a même créé le Covid pour qu'on parle d'autre chose. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'est une blague. Ne prenez pas la théorie du complot en chemin. Pour les gens qui arriveraient et qui entendent Mattia Binotto à créer le Covid, c'est faux. Je vous rassure, enfin, c'est faux. Enfin, on n'a pas les preuves. En tout cas, nous, on n'en sait rien. Enfin, peut-être. non, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Il ne peut pas dire dans le chat, oh, il a au moins réussi à créer quelque chose. Ah bah il a réussi un truc. Non. C'est un excellent ingénieur moteur. J'ai revu une vieille vidéo chez Ferrari. Je fais une petite parenthèse anecdote. J'ai vu une vieille vidéo de chez Ferrari à l'époque où Michael Schumacher fait un tour de garage. Et en fait, il montre son ingénieur de course, donc Chris Dyer. Juste après, il montre son ingénieur performance, c'est Andrea Stella. Et juste après, il montre son ingénieur leader moteur, c'est Mattia Binotto. Donc ça m'a fait rire de voir que on avait deux team principals dans le garage de Ferrari à l'époque sans le savoir. Voilà pour Ferrari, on va parler de Sauber, justement, par Mattia Binotto. Mattia Chi, il faisait pas les pâtes, peut-être? Comment, qui ça? Mattia Chi, il faisait pas les pastas. Si, sûrement, il va faire un truc où il va être en train de laver l'arrière du garage, je sais pas quoi. Sauber, voilà, une 12e place de Bortoleto, une 16e de Hülkenberg. Alors, personnellement, je vais pas m'étendre là-dessus, je vous laisserai donner vos commentaires après. Moi, je trouve que Hülkenberg commence à prendre un nombre de roustes assez impressionnant. Voilà pour mon seul commentaire sur Sauber, le reste c'était assez anonyme pour moi. Je laisse Franck puisque me dire ce que tu penses du week-end de Sauber. Question piège. tu as le droit de rien en penser. Si jamais. Non, j'en pense que Bortoleto continue à s'affirmer, que la Sauber est pas si mauvaise que ça, hein, on le sait, mais bon voilà, comme toujours il faut des gens qui sont en dehors des points et Sauber fait partie de ses premières équipes en dehors des points. Donc c'est pas non plus très mauvais, hein. C'est quand même largement meilleur que Alpine, c'est meilleur que Aston, c'est meilleur que Haas, voilà. Donc c'est ça reste quand même plutôt solide dans le peloton. Après c'est vrai que c'est peut-être un petit coup d'arrêt sur la bonne série qu'ils avaient, mais après il n'y a pas eu beaucoup de faits de course, hein. Le seul abandon qu'il y a eu, c'est Piastri, donc et devant ça n'a pas beaucoup bougé. Il n'y a pas eu beaucoup de voitures de sécurité, donc voilà, les problèmes des Alpines, c'est qu'elles se crachent pas, en course, elles se crachent en qualif, donc, ils ont pas compris ils ont pas eu le bon mémo de la théorie de Singapour, mais c'est compliqué, on va dire, hein. C'est compliqué, mais bon, voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur le week-end de Sauber non plus, et c'était un week-end On va dire, tranquille, fluide, parce qu'en plus, moi, j'ai quasiment traité toute la réaction, je crois, du vendredi au dimanche. Il n'y avait rien de particulier qui est ressorti. Bon, ça, c'est la voiture, donc un poil de performance pour viser le top 10. Oui. Ni plus ni moins, mais sinon, ça a été fluide. Il n'y a pas eu de casse. Si, quand même, Hülkenberg, il a quand même eu son aileron, il a quand même été se frotter à une as, quand même. Petite erreur de jugement sur le départ. Donc, oui. un petit museau arraché. Sinon, par ça, effectivement. Le stade sur Hülkenberg, c'est lui qui compte avec Stroll le plus d'éliminations en Q1 cette année. Ouais. Alors que c'est quand même censé être un pilote rapide. C'est le problème de la couleur de la voiture, ça. Non, mais c'est aussi. Voilà, pour moi, Bortoleto, c'est avec Adjar le meilleur rookie. Hein, ouais, clairement. Je suis pas sûr de votre. Enfin, voilà, c'est très très serré. Et moi, entre les deux. Je suis assez impressionné de voir le déclin de Hülkenberg depuis son podium. Comme s'il avait peut-être accompli un truc qu'il avait pu, tu vois. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il. Ou alors, c'est Bortoleto qui monte en puissance. Il y a ça aussi, hein, forcément. Oui, si, oui. Ça, c'est forcément. Mais bon, il prend une demi-seconde hein, en Q1, hein, quand même. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, puis on en est à 8 qualifs de suite où Bortoleto est devant, quoi. Et. On sait qu'Hülkenberg mettait une rousse à Magnussen. Qui mettait une rousse à Schumacher. Qui mettait une rousse à Mazepin. Non, mais oui, c'est ça en fait. C'est que Hülkenberg était vu comme l'homme fort des qualifs chez As jusqu'à l'an dernier en fait. Donc, bon, après, les triangulations, ça vaut ce que ça vaut. Mais, oui. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui cette année. Et effectivement, je pense que sur une dynamique telle qu'on est aujourd'hui, il fera une saison chez Audi et puis ce sera fini, quoi. Bah, c'est quand même l'allemand d'Audi. Ah, quand même. Ouais. Attention. Hein. Bortoleto aussi, peut-être, mais dans le bon sens. Oui, peut-être que lui ira ailleurs après. Mais... Non, mais après, oui, c'est sûr que s'ils veulent vraiment un pilote allemand, il n'y a pas énormément de monde. Mais bon, après, est-ce que ce sera vraiment la priorité? Je ne sais pas. En tout cas, Hülkenberg, ouais, c'est comme dit John Smith, le trimestre. Trimestre. On va pouvoir bientôt le laisser partir. Non, mais c'est vrai que. Ouais. C'est assez, la dynamique est assez claire chez Sauber. Chez As, Oliver Berman termine 13e et Esteban Ocon termine 14e. Là aussi, un week-end très brouillon. Accident de Berman en qualif. Ocon disqualifié pour un aileron trop flexible. Bah ouais, pareil, à partir du moment où on part 15e et 20e, c'est compliqué sur un circuit comme ça de faire mieux. Et puis, Ocon a tenté un double arrêt pour se mettre en pneu dur avec les arrêts déjà faits en début de course. Et finalement, il n'y a pas eu le drapeau rouge ou la safety car qu'il espérait. Il s'est retrouvé sur un rythme dégueulasse au milieu de la course, enfin, deux tiers de course. Et bah voilà, il n'a rien pu faire. C'est déjà bien qu'il finisse 14e d'ailleurs. Ouais, franchement, ouais, lui il progresse. Hein. C'est un des rares dans la deuxième partie du peloton à faire une remontée. Mais bon, ouais, week-end un peu décevant de Haas, mais je serais tenté de dire c'est un peu comme à l'image de leur saison. C'est toi, Alex, toi, qu'est-ce que tu as pensé du week-end de Haas? c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais ça reste toujours brouillon. C'est un peu l'impression qu'on a souvent chez As, c'est que non seulement Rick n'était pas là, mais c'est souvent encore trop brouillon. Alors tant mieux pour Berman, il prend pas des points de pénalité. On sait qu'il est, je crois, 2 points. Oui. Pénalité d'une suspension de course, donc c'est déjà ça d'éviter sur un circuit où on a vu un pilote comme Albon commettre. Commettre une grosse bourde, mais bon, lui aussi, hein, Q2, boum, dans le mur, bon, la condition était difficile, mais voilà, c'est pour ça que j'avais parlé de recoup de l'année, soit Adjar, soit Bortoleto, mais voilà, Berman, pas pour ces raisons-là, même s'il fait quand même une bonne saison, hein, au contraire. Et puis pour Ocon, la fiabilité était effectivement pas excellente, ni la direction de course, enfin voilà. Disqualification, bon, ça a changé fondamentalement son épreuve et ça l'a encore fait tenter. Je crois que c'était 4 courses d'affilée qu'il fait un premier relais extrêmement long en dur en attendant les safety car. Bah, franchement, moi, ça pouvait marcher. Je vois pas ce qu'on va faire de différent du côté de chez As. Hein. Mais ça sent quand même la 9e place pour As, quoi, de plus en plus. Ouais. C'est pas infamant, mais c'est là où il se situe. Donc voilà. Franchement, ils étaient à leur place. C'était un peu une course à l'image de leur saison. C'est-à-dire brouillon, des coups stratégiques. Et ça passe, ça passe. Et c'est vrai que c'est ce que note Xoans dans le chat, ça fait plaisir quand on, de voir que Ocon tente toujours des stratégies alternatives pour tenter un coup de poker. Ah, et il a pas le choix. Il a toujours fait, même chez Alpine, il a souvent tenté ce genre de choses et ça lui a souvent permis de signer des bons résultats. Parce que notamment, il ne faut pas oublier qu'Ocon est un des meilleurs gestionnaires de pneus du plateau. S'il le tente, c'est parce qu'il a la capacité de gérer ses pneus comme il le faut, quel que soit le train de pneus qu'il a. Donc là-dessus, bien joué à lui, il a déjà fait des bonnes performances grâce à ce genre de choses. Franck, toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur As? Non, du tout. Non, mais, non, mais autant pas perdre de temps. Dire, je suis totalement d'accord. Je pense que tout le monde, des gens ont des choses à faire aussi. Donc... En tout cas, d'autres choses à faire que de parler de As, ça, c'est sûr. Non, mais je vois pas quoi rajouter de plus que, ouais, que ce que vous avez dit. De toute façon, tu te réserves notre débriefing spécial As demain soir sur la course. Là, il garde un peu d'énergie pour Alpine après. On fera. Ouais. Mais on va pas parler d'Alpine tout de suite, on va parler d'Aston Martin. Ouais, qu'est-ce que t'as pensé de la... Qu'est-ce que t'as pensé du week-end d'Aston Martin? Là, c'est même pas qu'est-ce que t'as pensé, c'est est-ce qu'on pense quelque chose du week-end d'Aston Martin? Parce que... Oui, quand même. Non, alors, 15ème place pour Alonso. Calife, si, joli calife quand même. Joli calife pour Aston, parce qu'il s'attendait pas à être aussi haut avec une voiture qui a tellement de mal avec la traînée aérodynamique. Donc, il était qualifié où, Alonso? 12 ou 13, hein, dans le genre. Ah ouais. Et ah oui, non, il s'attendait pas à être aussi haut. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà, ouais, donc, voilà. Et donc voilà, mais ils savaient du coup qu'ils allaient reculer. C'était un petit peu leur commentaire d'ailleurs en course, c'est que. Ils n'étaient pas vraiment leur place en fait. Voilà, c'est la Aston, elle est pas du tout faite pour les lignes droites. Et, non. Et déjà même à Monza, c'était pas si mal que ça. Peut-être grâce aux évolutions qui ces derniers temps ont porté leurs fruits, mais là ils ont fait que reculer. Et, voilà, pas de miracle. Bon après, bon, je tiens juste quand même à rigoler que à Fernando il a toujours de bons réflexes quand même parce qu'au départ il réagit pas au feu. mais je pense que n'importe qui, je veux dire. J'ai pas surveillé particulièrement les réseaux sociaux ou les critiques sur Fernando, mais je pense que n'importe qui voit une voiture qui bouge devant lui, il fait pareil, quoi. Et d'ailleurs, il a clairement dit à la radio tout de suite, il dit, oui, je sais, parce que j'ai réagi à Piastri, donc. Je pense que personne de humainement sensé, critiquerait Alonso pour dire moi j'aurais pas bougé, quoi. Faut bien se rendre compte qu'au départ, ces mecs ont une vision tunnel jusqu'au feu et tout ça, et que je pense qu'il a vu quelque chose qui bougeait et il y a le réflexe de relâcher, quoi, tout simplement. C'est ça. C'est quand même une procédure très complexe avec juste une palette à relâcher, donc derrière c'est le mot. Ils ont de trop bons réflexes pour le coup, c'est ça, c'est clairement le problème des pilotes si c'était un problème, donc voilà, c'est Piastri l'a mis dans la sauce, mais bon après il a dit 5 secondes ça a pas changé sa vie, hein. Non, je veux quand même souligner un truc, c'est que même si Alonso prend les 5 secondes, Stroll finit quand même à 20 secondes de lui, oui, ce qui est quand même pas négligeable. Moi, j'avais souligné un truc qui n'a rien à voir, mais un petit peu quand même, c'est que Stroll prend plus d'une seconde en qualif par Alonso. Le bilan chiffré de Stroll cette année, il est catastrophique. On en a déjà parlé. Ah, il est devant en championnat. Et il y a deux places d'écart maintenant entre les deux. C'est ça qui est fou. Il y a deux places d'écart, ben voilà. Ben, il sait que les points se jouent le dimanche. Ouais, enfin, pas ce dimanche-là en tout cas, mais oui, effectivement. Non, Xoans, Piastri prendra pas de pénalité pour les 5 secondes respectées hier. Il y a un article sur Nexgen Auto à ce sujet-là, il faudrait le ressortir, mais c'est l'article qu'on a fait hier sur qui a été publié juste avant le résumé de la course. Sur l'accident de Piastri, justement, où on explique pourquoi il prendra pas ses places. Oui. En fait, tout simplement, faut pas cumuler plusieurs fois 5 secondes, voilà. Déjà. S'il n'y en a qu'une seule de 5 secondes, ça. C'est dans les guidelines. Voilà, c'est les guidelines. C'est pas écrit dans le règlement. Les commissaires pourraient le faire. Mais dans les guidelines, c'est dit, s'il n'y a qu'une seule pénalité de 5 secondes, on ne transforme pas ça systématiquement en pénalité sur la grille de départ pour la course suivante. Il en aurait pris deux. Je pense qu'il aurait pris effectivement une pénalité. Mais dans les guidelines, voilà, c'est le. Mais là, je sais pas comment trouver le mot français pour ça. Mais... Directive. Ouais, les voilà, directive, les lignes directrices de, voilà, pour avoir un semblant de constance, on va dire, dans la décision. Si vous prenez une pénalité de 5 secondes, qu'elle n'est pas servie parce que vous avez abandonné, vous n'avez pas 3 places ou 5 places de pénalité sur la grille de départ. J'ai une meilleure traduction pour les guidelines, c'est le deuxième règlement parallèle au premier qui fout le bordel à chaque week-end. Voilà. puisque. Ouh, tu rentres dans un autre débat là. J'ai ouais, pas le courage. J'ai pas le courage. Et en fait, c'était pas un débat, c'était factuel. Parce que ça fait 3 semaines de suite qu'on a des débats justement. Eh bien, je suis d'accord. Passons donc à autre chose. Non, mais ça fait 3 semaines de suite qu'on a des débats sur des choses qui se règlent en piste et qui, en fait, où les guidelines prennent le pas sur le règlement. Règlement que Ben Sulayem a promis de réécrire avant la fin de son mandat, mais il a le temps, évidemment. Son deuxième mandat. Ah oui, c'est vrai de ça. Voilà, donc en tout cas, c'est. Ouais, c'est bon, ah bah, voilà. Le règlement est simple. Règle 1, la loi, c'est moi. C'est ça. Voilà. Des lignes de guidage, des guidelines québécois, oui, comme il y a James Smith. C'est pas des drones qu'on envoie sur l'Ukraine, là. C'est... Et on va finir par Alpine, alors quand même, parce que le panache à la française. Ah oh oui, c'est joliment dit, c'est magnifique. Alors effectivement, ils nous ont fait un petit, on a fait la tournée, petit balai. Ils nous ont fait un petit balai et un petit. On a vu un truc très drôle sur les réseaux, puisqu'il y a un double accident, enfin une double sortie de piste en qualif de la part des pilotes Alpine au même moment. Et effectivement, c'était marqué qu'ils ont tous les deux voulu faire un Singapour 2008, mais en jouant tous les deux le rôle de Piquet. Et j'ai trouvé ça assez drôle, puisqu'effectivement, ça s'est, voilà, ça s'est fini avec un Gasly qualifié 19e. Répété pour Singapour. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, il faut qu'ils choisissent juste qui joue quel rôle, quoi. Colapinto a terminé 16e et s'est crashé. Et alors, en course, moi, je me suis demandé s'ils n'avaient pas fait une course avec une R5 électrique, parce qu'ils finissent 18e et 19e à des années-lumière, hein, littéralement. C'est les seules voitures à prendre un tour. Hein. C'est les seules voitures à prendre un tour, c'est les seules voitures à prendre 2 secondes au tour en moyenne. Voilà. Donc, c'est... Tata. Alors, mais Colapinto continue quand même sur sa série de Je me rapproche du Gasly. Ouais. Oui. Ouais. Ce qui va peut-être totalement... le seul point positif du week-end pour elle. Qui va rendre injustifiable le moment où Briatore va dire qu'il le dégage. Mais Briatore a dit d'ailleurs, peut-être en parler comme des c'est pas sûr. Hein. Mais il a dit voilà, ça va se jouer entre Colapinto et Aaron a priori. Donc ouais. Voilà. C'est juste pour pas qu'on oublie d'en parler. Bon, voilà. Non, mais c'est ça. De toute façon, après on peut en parler. Pardon, je me rendors. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, ouais, je voulais juste dire que ça devient une tradition de voir Alpine totalement foirer son week-end de Bakou. L'an dernier, ils étaient, ils terminaient 13e et 16e, je crois, mais avec deux pilotes qui avaient abandonné dans le dernier tour. L'année d'avant, c'était le moment où Laurent Rossi avait complètement craqué en public en disant qu'il y avait du dilettantisme dans l'équipe. Donc voilà, il y a une tradition qui est en train de se mettre en place de voir Alpine totalement prendre la. Moi, il s'y attendait. Oui, tout était sous contrôle. Si t'as rappelé Laurent Rossi, faut comme je rappelle Abu Dhabi 2021, juste parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. oui, ça c'est sûr. Mais... On peut en parler hein, si vous voulez, je suis toujours prêt. Non, mais oui. À 15 ans, voilà, Gasly, je crois, il prend 3,5 dixièmes sur Colapinto. Ouais. Donc, quand même, hein, voilà. Lui aussi, peut-être qu'il se réveille à temps. Est-ce que c'est pas trop tard? Ah, désolé, mais Colapinto, Aaron, bon, j'ai rien compris, mais ça n'est pas non plus rêvé. Ben est-ce qu'on va voir Aaron en piste aussi à un moment ou à un autre? À part les essais libres. Ouais. Est-ce que Briatore va. À part chez Sommer. Il a fait une L1 avec Alpine. Il a fait une L1 chez. Il en fera une deuxième, mais est-ce qu'on le verra titularisé sur les derniers Grands Prix pour voir ce qu'il vaut? La méthode Briatore, on la connaît. Hein. Bah, vu qu'il a promis que ce serait pas le cas et que c'est un gros menteur, je dirais que oui, mais la question c'est ça. Voilà. Et effectivement, Nico soulève un point aussi, que penser des déclarations de Gasly après la course, parce qu'il aura fallu 2 semaines de « j'ai confiance en cette équipe, on pourra viser le titre, je suis heureux de prolonger » à « il se passe des trucs, ça ne va pas du tout, j'ai pas envie de parler ». Donc il y a eu un revirement de situation, et effectivement, Gasly semble très très très agacé ce week-end de Bakou. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose, enfin, je comprends pas ce qui se passe, qu'il a dit ça fait plusieurs courses qu'il se passe des choses. Donc je ne sais pas ce qu'il a noté chez Alpine qui ne lui convient pas. Je sais pas, ils ont peut-être plus de pièces, j'en sais rien. Mais c'est pas lié à 2020. Non, le fait qu'il avait pas envie de parler de sa course, le fait qu'il était très contrarié après l'arrivée. J'ai signé contre mon gré. Contre mon gré. Bon, après, il savait déjà bien avant la course, dans leur présentation traditionnelle, que c'était pas le circuit pour. Oui. En tout cas, le slogan du week-end à Bakou, c'était expect the unexpected, mais en tout cas, non, c'était pas le cas pour Alpine. On a bien vu à quoi on s'attendait. C'est... Ah ouais, non, c'était, bon, après, c'était prévu. C'était donc peut-être que ça ira mieux à Singapour. Hein. Oui. Ouais. Mais là, en plus, ils avaient fait un choix audacieux qui a payé chez d'autres, qui était de mettre l'aileron de plus débraqué possible. Ils avaient le même aileron qu'à Monza. Est-ce que vous croyez qu'ils ont répété Singapour avec la double action des qualifications? Bah, c'est... Oui, mais mal. On verra si au 13e tour, il y en a un des deux qui s'y met. Après, Briatore a dit qu'il a été pour rien dans Singapour, donc je trouve un peu mauvaise langue. Oui. Bien sûr. Oui. Non, je sais pas quoi dire d'autre. on les a déjà bien chargés. Non, Taco l'a bien dit que la Pinto et Aaron ne font pas arriver. C'est vrai qu'on a jamais débriefé Singapour 2008 quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été drôle qu'on ait l'émission à cette époque-là. Mais... Enfin, en fait, Singapour 2009, on débriefait le 2008 parce que c'était au moment où c'était sorti. Mais... Ah, c'est vrai que c'était assez improbable. Otago dit effectivement. Otago disait que la Pinto et Aaron ne font pas arriver, mais Alpine fait arriver avec qui? Même pas Bottas et Perez. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se sont fait recaler par tous les pilotes Sainz l'an dernier, effectivement. Donc, Alpine n'a pas vraiment le choix sur le marché des transferts. Hein. Clairement, c'est, ils vont devoir prendre. En tout cas, je me marre si en course à Singapour, Colapinto, Gasly se crash. Évidemment, même si c'est pas fait exprès, évidemment, ça sera quand même amoureux. Ah oui, non, mais là, c'est... on pourra au moins s'en amuser, ça c'est sûr. Mais donc, même s'il se crash, que c'est pas délibéré et que Gasly fait un podium. L'avantage par rapport à ces soupçons là, c'est que mais la voiture est tellement mauvaise que normalement, même avec une stratégie avantageuse, ils feront pas la victoire comme en 2008. Donc, il y aura pas, ils arriveront pas à ce qu'on. À ce 8, qu'on non, place, pour tous les fans d'Alpine, je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent quand même. C'est clair que c'est 2026 hein, que tout le monde attend. Et d'ici là, bah, s'il y a quelques points, tant mieux. Mais bon, le problème c'est que la 10e place, elle semble quand même plutôt bien acquise pour eux. Je vois pas trop comment ils peuvent faire mieux que ça. Mais voilà, on est vraiment à espérer que tout le discours tenu sur 2026, en supposant que le moteur Mercedes est à la place à laquelle il doit être, évidemment, ça, on pourra pas jeter la pierre Alpine si le moteur Mercedes est trop derrière ses concurrents, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison pour que, voilà, hein. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de raison jusqu'à ce que ça arrive. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. C'est hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de pilote McLaren qui ne soit pas titré cette année jusqu'à ce que ce soit Verstappen qui prenne son 5e titre. Hein. C'est exactement la même situation. C'est vraiment à être désagréable en cette fin d'émission. Oui, hein. Exactement. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est improbable. Voilà. Non, c'est voilà. Mais donc voilà, là clairement, Briatore, Alpine, la nouvelle structure, ça sera jugé en 2026. Là, clairement, on sait très bien qu'ils n'ont mis aucun œuf dans le panier 2025. Tous les œufs sont dans le panier 2026. Et donc, il faut accepter que cette saison soit comme ça et que, voilà, il faut qu'il n'y ait pas plus, ça, je veux dire, à espérer pour eux que des faits de course, il n'y en a pas eu, que de la pluie, il n'y en a pas eu, sur différents circuits qui leur conviendront peut-être un peu mieux. Voilà. Donc, en attendant, malheureusement, il faut se contenter de ce genre de choses et faut ronger le frein. Il n'y a plus que cette course. Donc. Enfin, moi, leur discours de tout mettre sur 2026, c'est dire que ça ira vraiment mieux. Tout ça, je trouve que encore une fois, c'est oublier que le châssis 2025 est un très tôt. Et franchement, en 2023, on pouvait dire le moteur est le gros point faible de l'équipe parce que les deux circuits où il n'y a pas de ligne droite, ils font podium. Là, il n'y a aucun Grand Prix qui est bon en fait cette année. Aucun. Il y a un Gasly qui se met en avant deux fois, mais il n'y a pas de bon Grand Prix. Il n'y a pas de Grand Prix où ils sont mieux que la 8e force du plateau, je pense. Et ce châssis-là, tu peux lui mettre un bon moteur dedans. Et un châssis développé comme ça, en tout cas, tu peux lui mettre un bon moteur dedans. Ça fera pas mieux qu'une 5-6e place. Hein. Pour moi, Alpine, l'an prochain, ils sont pas mieux que 7e force du plateau. Mais c'est bien, jusque-là, Briatore est content, il a son narratif et il y croit. Mais pour les fans d'Alpine, moi, je me méfierais sur le fait que ce soit le miracle l'an prochain. Donc, alors oui, c'est vrai que le 2025, c'est le 2024 qu'ils ont choisi de reconduire, certes. Mais bon. J'ai quand même du mal, enfin, quand on voit le déclin en termes de niveau de châssis entre 2021 et 2025 chez Alpine, j'ai du mal à croire qu'il y aura un miracle l'an prochain, personnellement. Et sachant qu'ils auront un moteur qu'ils n'ont pas fabriqué eux-mêmes, donc, puisque c'était censé être le gros point fort de la réglementation actuelle, c'est qu'il s'est développé un nouveau moteur, un nouveau châssis en même temps. On a vu où ça allait, donc voilà, on verra l'an prochain, mais moi je ne suis pas très, très très optimiste. Voilà pour ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'était la 17e manche de la saison. Il en reste donc 7. Superman est parti, c'est dire. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais ils ont, tout le monde est parti. Hein. Je rappelle qu'ils ont essoré 7 teams principaux en 5 ans. Hein, donc, c'est quand même pas rien. Voilà pour le débrief de Bakou. Alors, on va évidemment finir comme d'habitude par nos pronostics. Hein, qui est derrière cette semaine, il n'y a pas du très bon. Hein. Il n'y a pas de McLaren sur le podium. Hein, oui, donc j'ai commencé par le mien où j'avais mis les deux. J'avais fait un petit. J'avais fait un petit Norris Piastri Leclerc. Donc j'aime autant dire que j'étais particulièrement bien inspiré. Toi, Alex, tu as émis Leclerc, Verstappen, Piastri. Donc tu en avais un de mal placé. Et Franck, qui a fait le meilleur prono avec un pilote bien placé, puisque tu as émis Verstappen, Piastri, Hamilton. Le moins le vainqueur. Voilà. T'as au moins le vainqueur, exactement. Ouais, c'était quand même bien mieux que moi. Et du coup, pour Singapour, donc Grand Prix de Singapour dans 2 semaines, Franck, tu as dit Verstappen, Norris, Russell. Ouais. Toi, tu vois un troisième succès de suite de Verstappen. Je vois un récemment globe total au championnat, moi. Ouais. Tu vois ou tu veux bah, Les deux. Bah, les deux. Les deux. Moi, ça m'arrangerait bien pour dynamiter un peu cette fin de saison, là, que les gens s'intéressent un peu plus. D'accord. Alors, Alex a mis Piastri, Hamilton, Russell, mais il a demandé après si on pariait sur les EL ou pas. Donc... Et non, moi... mais on va toujours croire à la magie de Singapour pour Hamilton. Mais... Ouais, c'est vrai. Wishful thinking. Et moi, j'ai mis Norris, Russell, Piastri. Moi, pour moi, je vois McLaren reprendre un peu la main et faire oublier ces histoires de titre de Verstappen. S'il vous plaît, faites-le. Voilà. Donc... Voilà, voilà. Donc, en tout cas, c'était notre débrief de Bakou. On se retrouvera à Singapour. Alors, oui, il y a quelques risques de pluie, mais pour l'instant, on n'y est pas. Il y a 2 semaines pour que ça change, mais on a vu l'an dernier, hein, la pluie. On en a eu en 2017 aussi. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'était passé pour ne pas passer Franck. En attendant, merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. On se retrouve dans 2 semaines pour le débrief de Singapour. D'ici là, évidemment, on se retrouve sur DXGN Auto pour toute l'actualité exhaustive de la Formule 1. Le Grand Prix de Singapour, ce sera des horaires européens puisque c'est la nuit là-bas, mais ce sera heure européenne chez nous. On retrouvera des horaires classiques de l'Europe, le Grand Prix à 14h je crois, et non pas 13h comme ce week-end. C'est le Grand Prix le plus difficile de l'année, physiquement pour les pilotes mais aussi pour les équipes, parce qu'on vit sur un rythme de jour alors qu'il fait nuit et on bosse tout le temps et il fait hyper vite, hyper chaud. Ouais, c'est ça. Bon courage à tout le monde. Bon courage à tout le monde et aux pilotes dont la course va sûrement durer 2 heures comme d'habitude à Singapour, puisque c'est le Grand Prix le plus long en termes de durée. Et très souvent, la distance complète n'est pas parcourue d'ailleurs. Donc voilà, merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Franck, merci Alex. Merci, merci à vous deux. Bye bye. Et puis à dans 2 semaines et portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.